Nous sommes le 3 de la troisième lune, Verde 1131. Il est actuellement 8 heures quand vous vous retrouvez sur la place. Vous participez à la préparation de l'événement. Vos deux derniers jours ont été plutôt longues. Ça a été des journées consacrées à la préparation. Vos plans ont été sans cesse chamboulés, altérés, réécrits, améliorés, jusqu'à la matinée même. La veille, la discussion que vous avez eue avec Alceo, qui présentait Clint comme étant le seul, hein, dont il a réussi à tirer un lien clair entre lui et le ministère de la propagande. Le reste hein, des noms étaient soit inexistants en termes de lien, soit tout sacrément fermés. Cette intervention de la CEO a rendu ces dernières heures tendues. Vous avez dû tout mettre en place, vous avez obtenu, comme promis, des renforts. Cependant, ceci ne gêne pas du ministère de la propagande. Il s'agit d'une alliance, on vous prête des personnes, à vrai dire, un peu plus préparées pour le terrain physique, pour la confrontation. Donc finalement, quelque chose qui vous correspondait peut-être un peu plus. L'aide vient du ministère de la guerre, vous avez à vos ordres une unité de la gendarmerie. Ces derniers, comme vous l'avez formulé, comme vous l'avez souhaité, vont couvrir Clint, Bonnet et Munoz. Certains seront ouvertement affichés dans leur défense, d'autres seront en civil pour intervenir en cas de problème. Vous avez aussi modifié les emplois du temps, ceux de Bonnet et de Munoz particulièrement, pour que leur emploi du temps soit le plus efficacement possible collé à celui de Clint, dont vous n'avez pas réussi à faire bouger la moindre horaire, chose compréhensible par ses obligations qui représentent énormément de choses dans le monde politique et économique. Quoi qu'il en soit, à partir de maintenant, seules deux choses sont sûres pour le reste de la journée. Vous connaissez votre emploi du temps pour le reste de la journée, où vous allez devoir aller, quand vous allez devoir agir. Et que Il Procedimento frappera aujourd'hui. Tout le reste n'est que instant présent, incertitude, et vous demanderont réflexion, réaction et une volonté de faire pour enfin damer le pion de celui qui, jusqu'à présent, a toujours eu de l'avance sur vous. Je vous laisse, en cette ouverture, expliciter votre plan, comment chacun d'entre vous visualise la journée à venir, son rôle, ce qu'il va faire, et ainsi de suite. Autrement dit, votre stratégie autant de groupe qu'individuel. La parole est à vous. De mon côté, je pense que je vais déjà commencer par dispatcher les fusées que j'ai fabriquées durant la semaine auprès de mes camarades, tôt le matin, ça, donc vers 8h, ou la veille. Ensuite... je vais personnellement me rendre à la réception tôt le matin pour escorter Munoz. Enfin, l'escorter pour le garder sous les yeux. Du coup, lui, est-ce qu'il est prévenu officiellement de ma présence ou pas? C'est à vous de décider. Vous avez déjà eu contact avec lui. Oui, d'accord. Vous ne l'avez pas pour l'instant souligné, mais c'est à vous de voir si vous l'avez annoncé qu'il sera sous protection. Ou... Dans ce cas-là, je vais lui annoncer. Ok. D'un ton non alarmiste, plus même routinier qu'autre chose. Je vais venir me présenter à lui avec peut-être un ou deux hommes de la gendarmerie. Combien sont-ils d'ailleurs, les hommes de la gendarmerie, les hommes et femmes? Vous avez à vos ordres une dizaine d'hommes. Ouais, ok, une dizaine de personnes. Peut-être dans ce cas-là que un et deux, oui, ça devrait le faire. Si personne d'autre n'y voit d'objection, en tout cas. Je pars du principe que là, actuellement, je peux planifie ce que je vais faire, mais qui donc le ton routine etc ne s'est pas encore produit puisqu'il est encore 8h et qu'on est encore tous ensemble que je suis en train de leur donner des trucs juste donc, ouais. Sur les gendarmes, combien en civil, combien en uniforme? C'était à nous de voir ça. Oui, c'est vous qui leur donnez les ordres. Donc t'as dit une dizaine? Ouais, 10 hommes exactement. 10 hommes? Très bien. Alors. Personnellement, je pense qu'il n'y a pas trop de différence à ce qu'ils sont en civil ou en uniforme, étant donné que c'est le procedimento et dans tous les cas, ils risquent de s'en prendre victime au moment où elles seront a priori isolées. En tout cas, il les isolera lui-même d'une manière ou d'une autre. Mais après, Mais je suis justement, ouvert à l'écoute. je pense que avoir quelqu'un en civil, c'est plus facile pour entre guillemets bon, genre je sais pas si on a quelqu'un qui est habillé en serveur en plein milieu de l'hôtel de Munoz, bon bah bon voilà quoi, et ça peut paraître anodin et ça peut le pousser à l'erreur, je pense. D'accord, oui. Je sais pas ce qu'en pensent les autres. Oui, pourquoi pas. On peut diviser Oui, en on trois dit ceux qui sont. 5-5. Bah, moi, c'est ce que j'avais pensé au tout début, de toute façon. 5-5? Ok. Oui, Et bien, dans ce 5-5, cas-là, c'est disons bien. donc sur les deux, par exemple, moi j'en ai un en civil et un en uniforme. Ça me va aussi. Dans ce... Un en civil, un en flic par personne, et celui qui est, ceux qui sont sur Flint, enfin, ils auront le reste. Non, mais en effet, c'est pas bête comme idée. Qu'ils se fondent dans la masse, par exemple, si jamais l'une des personnes va aux toilettes, l'une des cibles potentielles et qu'elle est suivie de près par un civil, ça fera moins bizarre que si elle est suivie par un gendarme qui semble Oui, voler au train, et on le dit pas aux autres qu'il y a des civils, à ceux qui sont quoi. surveillés, pour que ça paraisse anodin. Je suis d'accord. Très bien. Ouais. Donc ça, c'est sur les flics. Maintenant. Ok, d'ailleurs, je vais distribuer, il me semble que j'ai 7 fusées, c'est bien ça? C'est ça. Je vais en distribuer une par personne ici, donc ça fait 4 en moins. Et peut-être, vous autres, vous me direz ce que vous en pensez, que je pourrais distribuer les 3 restantes parmi les gendarmes. Comme ça, si jamais eux voient quelque chose, ils pourraient nous prévenir en actionnant une. Alors, tous n'en auront pas, mais... Non mais Ouais, et genre ben... par un par groupe de gendarmes en fait. Au moins. Oula. En effet, on a 3 cibles, donc je peux en distribuer une par groupe, ouais. Je trouvais plus intéressante l'idée originale de donner les trois qui restent Aux aux personnes. trois cibles Ah. potentielles. Ah oui. Oui, c'est vrai, oui. C'est pas faux. Non, ça me va aussi alors. Ouais. Ça fera peut-être un peu moins non-alarmiste, mais bon bah pourquoi pas. Hein. Après, Et de quoi les c'est allumer? Pensons-y aussi, ce serait bête. Mais surtout de leur Oui. expliquer comment ça fonctionne. Parce que si on tombe sur quelqu'un qui ne sait pas Justement. les utiliser, on risque d'avoir. Je savais pas comment ça marche. On s'occupera de tout ça. Non, c'est pas je savais pas comment ça marche. Je suis mort car je savais pas comment ça marche. Oui, j'ai foutu le feu à la moitié de la ville, mais bon. C'est pas Omar m'a Vous êtes au tué, c'est courant. je savais pas comment ça marche. Ce qui est quand même étrange, vu qu'il n'y a pas de bois. Mais bon. C'est vrai. Mais il n'y a pas que le bois qui prend feu. Il y a du tissu, il y a de la texture, C'est vrai. il y a de la pierre, et puis le métal fond sous la chaleur. Enfin, du moins, il store. C'est vrai que tu n'étais pas là à la session où il y avait une grosse baraque en feu et qu'on a failli perdre quelqu'un dans le truc. Intéressant. Parfait. Très bien, très bien, très bien. Du coup. Enfin, à moins que j'ai dit parfait, désolé, mais peut-être que quelqu'un d'autre avait autre chose à... Non, mais ma question était pour l'instant justement celle-là. Est-ce D'accord. que quelqu'un a quelque chose à rajouter Alors, sur cette stratégie? du coup, par rapport à l'emploi du temps, mettons les choses au clair maintenant. À quel moment nos, enfin les VIP, je vais les appeler comme ça parce que je sais jamais comment les appeler, les VIP vont se retrouver séparés. À quel moment dans l'emploi du temps ils vont être Ah, pas séparés? mal de moments. Pardon? Bah, de ce qu'on a. Quasiment jamais, étant donné que vous avez fait des modifications pour ça, et Ah, que et donc dans le Bonnet et quasiment Miss jamais, Corée, non, oui, c'est c'était. vrai que du coup, depuis la dernière modification, ouais, c'est vrai que. Attends, Donc le oui, soir, c'était est-ce que long. les emplois du temps ont été 100% calqués sur ceux de Clint ou il y a Non. un Oui. moment divergent? 100%. Non. Ok. Bah, en fait, c'est Ah, le plutôt soir, ils simple. vont forcément se séparer. Bon, je peux vous le dire parce que on a fait beaucoup de conversations hors session, du coup, je peux pas autant parler. Mais. Bah en fait, Munoz avait déjà un emploi du temps qui était déjà assez commun avec Clint. Donc, en fait, mis à part un ou deux détails, ça n'a pas été difficile de le faire rentrer dans le rail. Et Bonnet n'est pas une personne si importante que ça. Donc, en fait, vous l'avez juste dit, il participe pas à ta coloc, il vient Donc il n'y a pas, d'instance. C'est pas comme Clint qui a des enjeux politiques à chacune de ses rencontres. Bonnet était juste un invité parmi tant d'autres. Donc en gros, là sur toute la journée complète, quel est le moment où Munoz, il va pas être là. Genre est-ce que le moment où il faisait sa petite pause, tu sais, il y avait un petit break à un moment donné. Ça c'est resté ou il est quand même rentré avec Clint? C'est 100% Clint. 100% Clint. Donc ils seront jamais séparés. Les seuls moments où le soir. Les seuls moments où ils sont séparés, c'est avant l'événement et après l'événement. Ok, d'accord. Donc, parce que voilà, okay. Si l'événement est fini, c'est pas la fin de la journée, évidemment. Il reste encore quelques heures pour les procéder. L'événement est terminé le lendemain. Donc là, en fait, ce qui va être important déjà au départ, c'est le moment où tout le monde va se regrouper pour se retrouver pour la première fois. Donc en gros, l'escorte jusqu'à ce que tout le monde se retrouve. Et le moment où tout le monde va se séparer. Ouais, c'est ça. C'est là le moment le plus compliqué en soi. Alors, enfin, pour l'instant. Du coup, pour le début, ce que je propose, c'est qu'on aille, plutôt que de laisser nos victimes venir toutes seules et se faire exploser, c'est qu'on aille les chercher et qu'on se retrouve ensuite. Enfin, qu'on se sépare, du coup, et qu'on les retrouve. J'ai dit nos victimes ? Non, ce n'est pas un lapsus révélateur. Les VIP, tu peux appeler les VIP. tu peux les appeler les VIP. Là, pour le coup, elles sont VIP. Pour simplifier, comme je disais, la session commence alors qu'il est 8h. Et à 8h, toutes les personnes importantes invitées sont déjà là. Parce qu'elles sont préparées. Alors. Du coup, eux sont déjà là aussi, on est d'accord. Tout le monde est. Oui, du coup. Bon, déjà, ils sont en vie. Bah, ils sont là. C'est un succès. Oui, une. Succès. C'est bon, notre travail est fait, on peut y aller. Mais. En fait, les gens qui arrivent à 9h pour le discours de 9h30 à peu près, c'est vraiment tout le reste. En fait, c'est les simples civils, les artistes, voilà, les gens qui ont envie d'assister au discours. Mais ceux d'avance sont obligés d'être là parce que la cérémonie d'ouverture dure 3h. Hein. Et du coup, il faut qu'on tout le monde voit, tout le monde a sa place. Bon, d'accord. Donc là, en gros, déjà, la première partie de la mission est pour l'instant bien, puisqu'on a tout le monde à l'œil avec les renforts de la gendarmerie avec nous. Donc si on ne les lâche pas de la journée jusqu'au lendemain matin, normalement, et si ce sont bien... Parmi ces personnes-là, il y a bien la personne qui est sous le couperet d'Il Procedimento. Normalement, on doit gérer. Maintenant, j'aurais aimé savoir, est-ce que nous avons eu des nouvelles suite au message qui a été envoyé à M. Vachet à Paris? Non, mais parce que le message a été envoyé le 2 et tu penses que s'il y a une réponse, elle apparaîtra soit aujourd'hui, soit demain. Allô? Oui, on t'entend. Oui, donc ? Mais non, pas encore. Pas encore, ok. Pas encore. Ce sera soit aujourd'hui, soit demain. Dedans, on avait précisé qu'on voulait une protection policière, de souvenir. De souvenir, après, ça se trouve, on n'a pas dit ça. Je crois que oui, ça avait été demandé, mais c'était aussi pour savoir comment il allait aussi de son côté. Ça se trouve, on va dire, mais il est déjà parti, il est déjà à Venise. Et là, mais on est à merde. Ou alors, mais il est jamais arrivé. Non. Peut-être. Et là, en gros, tu vois. Et là, on aurait eu tout faux. C'est dommage. Ok. Avez-vous d'autres choses à clarifier? Là, après, franchement, il n'y a pas plus à faire. Hein. Maintenant, ça va être une journée de surveillance. Je sais pas, les autres. Non, mais si personne ne prend la parole, je suppose que... Bon. Ça m'inquiète pour Vachet, quand même. Je commence à m'inquiéter. Là. Ouais. Alors, juste... Moi, je prends... Bon, même si, du coup, on a dit que on va clarifier ça, on a dit qu'on se concentrait sur Clint... on va quand même assigner des gens pour qu'ils fassent, enfin, nous, que nous, on fasse plus attention à l'un en particulier, d'accord? Je propose ça. Et on fait ça très rapidement. En gros, on définit que, genre, toi, tu dois surveiller en priorité Munoz, on sait rien. Ou Bonnet. Oui, c'est j'ai eu très peur. On reclarifie ça, parce que pour moi, c'est pas clair. Donc, je prends Munoz. D'accord, moi, je m'occupe de Munoz. Ok, qui prend Bonnet bah, Charlie qui a pris... c'est toi, Charlie Bonnet. Je prends pas déjà Munoz. Vous non. pouvez pas être tous les trois non, clean, non. C'était moi, Munoz. Ah d'accord, bah, excuse-moi, donc c'est Bonnet alors. Désolé. Oui. Voilà. Et nous, on est sur clean. Oui, non, parce que bon, j'ai pas envie de me faire... Oui, oui, c'est ça, c'est Bonnet. Autant pour moi, j'ai dit n'importe quoi. Voilà, donc on a... Okay. Toi, Munoz. Donc, okay. Vous Esther deux. Clean, Esther ouais. Bonnet. Okay. Donc, et du coup, ceux qui sont assignés à Clint, on est d'accord, c'est... C'est Korninov et Victor. Et Victor. Ok. Voilà. Voilà. Moi, j'ai pas grand chose à rajouter, je crois. Ouais, pas de soucis. Bon, moi, je mets mes lunettes noires de bodyguard. Bah. La question, c'est est-ce que les lunettes fumées existaient au 18e? Je crois que c'est vieux, les lunettes de soleil. Hein. Non, ça n'existait pas à l'époque du western déjà. Non, déjà, donc, non. Merde. Donc ça peut pas être bah, non. Ça. Non, mais peut-être que mais peut-être que c'est resté de ce qui existait déjà avant. Parce qu'en gros, il y a plein de choses qui ont existé avant, mais non. qui n'ont plus. Bon, ils ont préféré les garder, mettre une mode au monocle hein, plutôt qu'aux lunettes. Oh, mince. Quoi qu'il en soit. Les monocles de soleil. Les monocles de soleil. Je plains mes lunettes en noir. Je ne vois plus rien du coup. Mais du coup. Ouais, je m'en vais voir l'écrivain, voir comment il est. Oui. Bon, c'est tout. Enfin, c'est... On n'a pas entendu du tout ce que tu as dit en fait. Ah, je disais, du coup, je m'en vais voir l'écrivain, voir comment il va. Mais je ne comptais pas spécialement faire la scène, du coup, juste. On se sépare quoi. Quoi qu'il en soit, du coup, votre journée commence. Il est 9h. Le hall de Miss Cendre se remplit. Clint se prépare de son côté, pour ceux qui y sont pas très loin de lui. Vous le voyez remettre sa broche en place, vous le voyez un peu stressé sur lui-même, grommelé, quelque chose comme « satané brouillard ». Normalement, en ces temps-ci, pas aussi opaque. Vous sentez vraiment un sacré stress. Hein, et ce qui paraît pas si étonnant que ça, hein, déjà vous avez face à vous un homme qui va devoir se montrer publiquement à une foule toute la journée, ce qui est déjà quelque chose, hein, je pense que certains d'entre vous déjà ne tiendraient pas ce stress. Mais en plus de ça, c'est un homme qui, vous le savez, a un passé peu resplendissant dans les bas quartiers, et il va devoir œuvrer à visage découvert toute la journée, donc ouais, il a sûrement un peu d'appréhension. Et quoi qu'il en soit, à 9h20, il monte sur l'estrade, hein, et commence son discours. À l'heure actuelle, j'aimerais savoir comment vous êtes dispatché pour votre surveillance. Bah pour ma part, vu que je m'occupe de plus sur Clint, je suis en. Alors l'estrade, elle est fichue comment en fait? Il est. En gros, quoi, il a monté quelques marches et après il se retrouve tout seul sur un ponton et il oui. fait son truc. Oui, même sur une sorte de balcon, c'est quelque chose de fermé, il est en hauteur. Hein. Et oui, voilà, en fait, ce qui sert d'estrade, c'est vraiment un balcon à part entière, comme les balcons au théâtre, quoi. Vraiment, c'est une ouverture. Et genre, devant et lui, c'est en très dégagé, en fait, où il y a des bâtiments qui sont proches ou pas. Ah non, là pour le coup, il est vraiment intérieur au hall. Hein. Donc, Miss Cendre, comme je disais, c'est une des passerelles importantes de Venise, hein, parce que vous savez que c'est des passerelles qui sont séparées, notamment vis-à-vis de chacune des loges artistiques. Et la cinquième, c'est Miss Cendre. Et Miss Cendre, en fait, c'est un gros hall qui réunit. C'est là où vous avez passé votre promotion. Vous avez touché un livre de vos propres mains, tout ça. Bah, du coup, je. Bref, c'est un hall et. Il parle, il est en hauteur, il est quasiment isolé, quoi. Bah du coup, je vais mettre en bas des marches, avant d'arriver sur le truc. Et je vais mettre de biais en fait pour que je puisse voir et par là et sur la plateforme en fait. Ok. Nous, on est en civil ou on est en tenue de métropolite? Bon, de toute façon, nous, on va se mettre en tenue parce que de toute façon, il nous connaît. Donc, qu'on soit en civil ou pas, ça change rien pour nous. Donc, par contre, pour le salon d'éventail, c'est ce que j'allais dire. C'est ce que exactement ce à quoi je pensais. Je pense qu'on est en tenue, mais qu'on doit sûrement avoir un sac quelque part avec nos affaires pour se déguiser dans nos second personnages. Ouais. Oui, mais ça, je veux dire, pour l'instant, c'est pas tout de suite. Donc. Fait tout à fait avoir pensé d'avoir laissé des affaires à un endroit au moment où il faudra c'est bien d'en parler maintenant parce que comme en plus on n'avait pas en parlé pendant toute la semaine de préparation je vous aurais refusé si vous l'auriez demandé au dernier moment. Non mais on peut bien avoir pensé d'avoir posé à un endroit stratégique Tout à fait mais dans toute la ville Voilà. Et les autres, alors, vous êtes où? Vous faites quoi? Moi, je pense que je vais mettre relativement proche de ma cible. Du VIP. De Bonnet. Ouais. De l'écrivain, ouais, on peut l'appeler comme on veut. Je pense qu'il a autre chose à faire que discuter. Mais s'il y a quelques moments où il a l'air de s'emmerder, je fais la causette avec lui pour essayer d'éviter qu'il y ait une espèce de glace un peu gênante tout au long de la journée. Et le reste du temps où il est occupé, je scrute les horizons, je dévisage les gens pour essayer de voir si je reconnaîtrais pas des personnes, si j'aurais pas quelqu'un qui aurait une allure étrange, comme je sais pas, la main dans un manteau un peu trop long qui pourrait cacher une arme ou ce genre de choses. De l'autre côté, j'ai moi-même une main sans doute dans une poche où se trouve l'une des poches de mon manteau. Où se trouve mon pistolet, prêt à dégainer et à tirer. Je sais que c'est pas trop le genre de procédure evento de s'en prendre comme ça aux gens en public, mais c'est un peu toute la peur et la paranoïa qui me pousse à agir. Si. Très bien, je vous laisse continuer. Personnellement, Hugo et... Alors, où se trouve Daniel Munoz? Est-ce que... Il est derrière comment ça s'appelle, le baronnet Clint, enfin je veux dire derrière dans le balcon, dans la salle, où est-il? Alors Munoz, il est comment décrire ça, disons qu'en fait dans à Messand, il y a plus ou moins plusieurs étages qu'on peut parler, avec tout en bas le grand hall, et il se trouve dans un petit balcon qui se trouve en fait un peu en dessous de celui de Clint. Du coup, c'est un peu du coup voilà les personnes importantes, mais qui sont pas non plus baronnets en train de faire la discussion. D'accord. Bah moi du coup je suis avec eux en tenue de métropolite et je suis un peu au fond et donc pas non plus adossé contre un mur hein, parce que bon on est un peu dans la haute société, mais j'essaie de garder un œil sur lui et ce qui nous entoure, les gens présents et qui les va et vient, les personnes qui s'en vont. Toujours comme Esther avec une petite gouttelette de sueur au front, sachant que bon, il prodissimento agit pas en public de ce qu'on sait, mais voilà. On n'est jamais à l'abri du retour de l'histoire. Hein. Puis ça coule, ça sent le coup fourré, donc. Moi de mon côté je suis sûrement pas très loin de Victor lui-même qui s'est mis entre la foule du coup et les autres, si ce n'est que je dirais que mon attention est tournée moi à 100% vers la foule plus que vers Clint parce que je considère que Victor fait bien son boulot et je cherche à lire les visages. D'accord. Tu cherches à lire les visages. Il y a beaucoup de visages, hein, honnêtement. Je sais. Oui. Oui, une dernière chose. J'ai demandé, quand j'ai laissé le message pour Vachet, qu'on vienne expressément, dès qu'on a une réponse, me prévenir de la réponse. Ok. Voilà. Très bien. Eh bien, le discours pardon, va se passer. Vous avez tous été en surveillance. Ça me permet de parler d'une petite indication vis-à-vis de vos armes à feu, pour ceux qui en ont. Sachez que il est déconseillé de charger trop tôt une arme à poudre. C'est-à-dire que vous pouvez l'avoir préparée, mais il vous sera conseillé de temps en temps à revider, en fait, à repréparer votre arme, parce que sinon, tout simplement, ça peut poser des soucis, et une poudre qui fait des explosions, qui a des soucis, je vous le déconseille. Donc voilà, juste de temps en temps, n'hésitez pas à m'indiquer que si vous préférez avoir votre arme chargée pour pouvoir dégainer immédiatement, n'hésitez pas de temps en temps à m'indiquer que vous prenez le temps de nettoyer le canon et remettre la poudre pour éviter que ça s'entasse et que ça cause quelques petits effets non désirés. Mmh. Quoi qu'il en soit, vous surveillez. Pour l'instant, l'ambiance est plutôt tranquille, mais malgré tout, en fait, il y a un petit truc qui pèse. Est vrai que l'OTAN n'est pas vraiment très favorable, comme souvent hein, sur les traverses. Vous savez que la toile est un temps très pluvieux, très, très compliqué par moments. Et cette matinée, malgré le fait qu'il soit déjà 9h30, a en fait une pluie qui s'abat de manière très violente, en plus d'un brouillard qui ne se dissipe pas. Alors vous savez que, encore une fois, je parle assez peu de la pluie finalement, c'est peut-être une erreur, mais dans les crimes, si je vous dis rien sur le temps, c'est sûrement qu'il pleut. Voilà. Petite indication un peu bête pour le futur, mais c'est le soleil qui est rare dans les crimes. Hein. Si un jour je dois vous dire qu'il fait un temps vraiment spécial, je vous dirais il ne pleut pas aujourd'hui. Donc voilà, le fait qu'il pleuve n'est pas étonnant. Le fait qu'il y a du brouillard non plus, vous savez que bah, justement à cause de toute la pluie, tout simplement de j'ai oublié le terme, mais du climat, si vous préférez, des crimes, enfin de la toile, vous voilà, le brouillard le matin c'est quasiment obligatoire. C'est juste qu'on a on est habitué à le voir un peu disparaître un peu plus tôt. Là, c'est vrai qu'à 9h30, ça commence à le faire tarder. C'est un peu l'élément qui rend la chose un peu bizarre, parce que la mescente, c'est quand même un hall qui peut être ouvert. Là, pour le coup, vous êtes dans la partie ouverte du hall, pas dans la partie fermée. La partie fermée, c'est là où vous avez eu vos badges. Et c'est vrai que dans la partie ouverte, du coup, t'as le brouillard qui rentre dans la salle, et voilà, c'est pas idéal. Bon, pour l'instant, ce n'est pas horrible pour le moment, mais voilà, vous savez que ça fait une ambiance un peu pesante entre le bruit de la pluie et le brouillard. Vous surveillez chacun. Rien de très spécial. D'à côté, vous vous dites qu'il est seulement le début de la matinée. Ce serait pas étonnant. Pour parler un peu des gens qui sont invités, pas tellement des invités. Je veux dire, encore une fois, c'est une fête qui est sur toute la ville et les gens qui ont envie de venir viennent, les autres restent chez eux. Il y a vraiment un peu de tout. Vous pouvez même. Vous avez sûrement rencontré d'ailleurs des visages connus dans la journée. Mais voilà, il y a vraiment un gros rassemblement. Il y a beaucoup d'artistes, évidemment, mais ça, c'est parce que vous êtes à Venise. Je veux dire, partout où vous allez, il y a beaucoup d'artistes. Mais voilà, il y a beaucoup d'artistes, beaucoup de. Même de non-artistes, pour le coup, les quelques ouvriers, des trucs comme ça, qui viennent. Vous savez que voilà, ce genre de fête, c'est toujours favorable, surtout que pendant on a le droit de ne pas travailler, donc ça avantage les ouvriers, et les autres profitent d'une journée plus tranquille, on va dire. Le discours se termine et va alors du coup commencer dans la journée. Eh bien, tout simplement, le parcours de nos chers amis, qui, d'ailleurs, vous allez très vite le remarquer, mais ne sont pas forcément les trois ensemble. Ils partagent le même emploi du temps, mais les trois ne se retrouvent pas à chaque instant pour discuter. Des fois, voilà, il va y avoir de la distance, qui vont s'installer entre plusieurs groupes. Et notamment, une des personnes qui va en fait le plus s'isoler des deux autres, c'est Clint, qui en fait, pour ses trajets, a la cabine de transport, hein, j'ai oublié quel terme j'utilisais déjà, je me demande si c'est pas tramway, ça doit être le tramway. Au pire, c'est pas grave, on corrigera. Les gens qui ont lu la nouvelle pourraient normalement m'aider à me corriger. Mais ce n'est visiblement pas le cas. On va dire que c'est le tramway, lui, le terme que j'utilise, c'est pas très grave. Et donc voilà, vous savez que lui a reçu du coup l'autorisation, etc. Et en même temps, c'est normal parce qu'il n'arrête pas de passer entre haute et basse ville. L'autorisation etc. aujourd'hui d'utiliser le tramway. Alors que les autres vont avoir des moyens de transport plus classiques, hein, des chaises transporteuses et... ou la marche. Ma première question, c'est face à cette première séparation de groupe, comment vous réagissez, qui fait quoi, ce genre de choses. Alors moi, personnellement, si jamais Munoz emprunte une chaise ou ce genre de choses, je veille à toi, alors je sais pas si ça existe, à prendre un modèle à deux places pour être avec lui. Soit je prends, j'en loue moi-même hein, sur mes propres frais et je lui demande explicitement de le coller, de coller leurs collègues, voilà. Pour être toujours collé du coup à Minos. Pour les autres, notamment pour ceux qui surveillent Clint. Oh bah nous on est. Enfin, j'imagine qu'on est avec lui dans le transport, quoi. On monte avec lui. Je suppose. C'est une bonne question. Vous lui avez parlé de protection ou pas? Je veux dire, quand vous vous êtes annoncé sur le fait que vous allez le suivre, est-ce que vous êtes assumé comme tel? Dans l'idée où on lui a donné une fusée, oui, sûrement qu'on lui a donné au moins une source vague des raisons pour laquelle... Mais en fait, j'avais évoqué à un moment donné, je crois, dans nos discussions, qu'on avait inventé une petite histoire de groupe dissident qui pourrait venir troubler le festival et que c'était un petit peu pourquoi on les avait un peu tous embêtés par rapport à ça, parce que comme il y avait déjà eu, même s'ils ne sont pas censés être au courant de ce qui s'est passé, mais ça peut vite fait dire, voilà, il peut se passer quelque chose, donc par sécurité, hop, on ne sait jamais. Ok. Quoi qu'il en soit, les premières heures se passent plutôt tranquillement. Il faut dire que la réception, c'est quelque chose de très... rempli de discours, de ce genre de choses. Donc finalement, les gens bougent pas trop et surtout, il n'y a pas vraiment de mélange encore. Clint ne va pas passer au milieu de la foule à ce moment-là. Donc vraiment, jusqu'à 11h, en fait, vous êtes plutôt tranquille. Hein. Et personne ne s'approche de Clint, personne a des contacts particuliers. Tout le monde, pour l'instant, vit plutôt isolé. Les seules personnes qui sont vraiment... qui ne respectent pas les distanciations de sécurité sociale, sont les simples personnes venues assister, qui sont dans le hall et qui du coup se regroupent ensemble, logiquement. Donc les premières heures sont très tranquilles. Cependant, lorsque ils partent en direction du coup du petit salon artistique de Venise, il y a un point qui est plutôt... qui intrigue, la brume du brouillard est toujours présent. Il est 11h. Normalement, vous savez que c'est quelque chose qui peut arriver, notamment dans une teinte telle que morte, qui a une teinte très froide, qui a tendance à retenir pas mal l'humidité dans l'air et du coup le brouillard. Mais en verdé, surtout en fin de teinte de verdé à l'approche du coup de la prochaine teinte, c'est quelque chose qui est beaucoup plus rare en fait. Celui-là, normalement, les températures commencent à se réchauffer malgré tout. c'est quelque chose d'assez particulier, puisque Sanguine est une période très chaude, avec une écrime très rouge écarlate, et qui, d'ailleurs, permet d'en parler un peu plus aux joueurs qu'aux personnages, mais c'est du coup ce que nous, on considère comme l'été, donc ce sont des grosses vagues de chaleur malgré la pluie, donc c'est des temps orageux, voilà, c'est vraiment dans ce genre de choses. Mais là, non, aujourd'hui, le temps est très frais et le brouillard est toujours en place à 11h. Alors, quand tu parles de brouillard, c'est genre un brouillard très épais ou on y voit à combien devant nous? Honnêtement, pour l'instant, ça va, quoi. Le brouillard n'est pas si épais que ça. Tu peux voir facilement. C'est pas exactement l'expérience du brouillard, mais je pense que. Je ne sais pas ce qui est bien pour un brouillard ou pas. Enfin, un brouillard moyen, ouais, je ne sais pas. Tu vois à 20 mètres, 20-30 mètres devant voilà. Toi, quoi. Voilà. Ouais. C'est dégagé, quoi. Bah, dire, en tout cas, c'est un brouillard, non, c'est-à-dire qu'il est là, mais tu vois quand même une bonne distance. On voit trouble, quoi. Voilà, vous voyez un peu trouble. À 20-30 pas, du coup, de vous. Ok. Bah, du coup, du fait de ça, je me tiens assez proche de Clint quand même. Pareil pour moi et mon ami Bonnet, sachant que surtout que je suis seul. Ah oui. À part les gendarmes, je vais éviter de trop me relâcher. Je suis d'autant plus vigilant. Exactement. Vous êtes tous vigilants. Vous continuez votre enquête, votre surveillance. Et à vrai dire, il y a des événements qui, des fois, peuvent vous faire un peu tiquer. Ou une fois au salon, notamment. Parce que le salon se passe dans un lieu très restreint. Ce n'est pas pour rien qu'il s'appelle le petit salon. Et ce petit salon artistique de Venise, qui est organisé, pas si loin que ça, hein, de Missandre, hein, vous demandez pourquoi il a utilisé son transport pour ça. Le tram est normalement un peu plus exceptionnel, mais vous savez qu'il doit continuer, donc sûrement c'est peut-être plus simple de le faire partir de la base. Quoi qu'il en soit, le lieu est vraiment très restreint, il est très étroit. Pour dire vrai, pour le coup, vos trois cibles que vous voulez surveiller sont d'ailleurs assez collées, parce qu'il n'y a pas beaucoup de place et que ce sont les invités d'honneur du salon. Il y a pas mal de gens qui les entourent. Et mis à part, si vous forcez, vous allez avoir du mal à être vraiment dans un contact permanent avec eux. Et justement, c'est ma question. Comment vous traitez la chose? Est-ce que vous forcez le contact permanent? Mais ça veut dire qu'il va falloir un peu imposer de votre corps pour ne pas le perdre. Ou soit, de temps en temps, accepter l'idée que ça se distancie sans le perdre de vue pour autant. Mais il y a des gens qui peuvent rapidement passer. Moi, je garde le contact, clairement. Okay. Quitte à m'imposer, à être un peu genre rude, je vais prévaloir mon rang de métropolite, hein, et que voilà, c'est la sécurité de Clint avant tout, et les gens ils dégagent. Ouais. Bah moi aussi je vais adopter une posture similaire, mais je vais essayer de le faire avec un peu plus de courtoisie, on va dire, sauf si on insiste très lourdement sur le fait que je dégage, je sais pas quoi, ou dans ce cas-là me permet de monter un peu, mais on va rester un peu plus civil que comment dire, je vais pas m'emporter ou quoi que ce soit. Et s'il y a une discussion, je vais essayer de m'impliquer dedans et donc de parler de théâtre et de photographie, ce genre de choses, et de faire mon maximum pour pouvoir toujours être à une distance relativement acceptable de quelques pieds, allez, trois pieds tout au plus, entre nous, quoi. Ok. De mon côté, je voulais dire aussi, je sais pas, ça s'appelait Canotos, du coup, si j'ai bien compris. Allô ? Oui, là, pour le coup, vous êtes tous les trois dans le même lieu. D'accord, okay. De mon côté, je crois pense que je vais être un petit peu plus laxiste que les autres, étant donné que tant que Bonnet ne se retrouve pas seul, Ouais. a priori en public il risque pas grand-chose, donc pour éviter de le braquer, éventuellement de braquer les gens autour, je vais me permettre quelques écarts de temps en temps, tant que je peux plus ou moins, comment dire, on va dire, garder un œil dessus, entre guillemets. Très bien. Voilà. Être sûr qu'ils ne s'absentent pas, quoi. Qu'ils ne se retrouvent pas isolés. Parfait. Et juste Cornilove rapidement, parce que je fais partie du groupe. Je reste proche de Klingt, en effet. Ok. J'ai une Du coup, je vais approche demander comme Victor. à vous trois de faire un petit geste d'athlétisme, s'il vous plaît. C'est un 10. C'est un 7. 14. Ok. Attends. C'est un athlétisme. C'est un 10. Bien. Bon, après, Esther, vu que toi, tu n'étais pas. Ah, j'étais pas ciblé, pardon. Oui. Non, mais il n'y a pas de souci. Hein. Ça fait toujours un jet. C'est pas grave. Ok. Vous arrivez à bien maintenir le contact. Hein, à vrai dire, vous n'avez pas vraiment de pitié. Les gens vous. Bah, déjà, vous laissent passer par ossature. Et quand il faut jouer des coudes, vous poussez avec le coude. Il n'y a absolument pas de souci. Et. Vous pouvez vraiment, si vous voulez, même vous la jouer vraiment sécurité en mode voilà, moi je passe, oui, d'accord. T'as pas me. Les gens. Bon, des gens vous voient en tenue de métropolite, donc forcément, quand si vous les poussez en les regardant, en les faisant comprendre qu'ils n'ont pas à faire ça, ils vous laissent faire. Donc vous pouvez vraiment réussir à maintenir un contact assez fort quand même avec le tout. Ton côté, toi, Esther, tu le fais pas et effectivement, c'est pas trop gênant pour le moment. Tu arrives à le garder en vue et y a plein de gens qui sont en train de passer. Et si tu pars du principe, si tu pars du principe que il ne risque pas grand-chose, bah c'est pas si pesant pour l'instant comme mission puisque il y a du monde absolument partout. Et d'ailleurs, il y a du monde même dans les rues malgré la pluie, malgré la brume. C'est vraiment un jour de fête pour le coup. Alors vous vous en doutez que dans la moitié des gens qui fêtent ça, il y a trois quarts des gens qui n'ont pas vraiment quelque chose d'intérêt pour la photographie. Mais bon, c'est une fête nationale. Enfin, une fête, c'est pas nationale du coup parce que c'est qu'une ville, mais la ville fait état. Donc est-ce qu'on peut dire national? Je ne sais pas. C'est un débat que j'ai avec moi-même depuis plusieurs sessions. Mais voilà, en tout cas, c'est une fête pour tout le monde. Donc plein de gens qui en profitent, et il y a beaucoup, beaucoup de monde pour le coup, et même dans les salons, etc. Parce que même s'il n'y a pas beaucoup d'intérêt pour la photographie, les gens ont un intérêt de manière générale à Venise pour l'art. Même beaucoup de gens, d'ailleurs. C'est presque étonnant qu'il y ait autant de gens. C'est certes la ville des artistes, mais normalement, il n'y a pas que des artistes, quoi. Quoi qu'il en soit, voilà, vous arrivez à protéger. D'ailleurs, pendant cette tu as trouvé la solution, bravo. D'ailleurs, ce petit salon qui va durer qu'une heure, vous entendez Cornilove, hein, Victor, hein, et je regarde qui est la personne la plus proche, Esther. Donc, Cornilla, Victor, Esther, vous entendez un hurlement. Et quelque chose qui. Voilà, une voix vraiment féminine, pour le coup, qui hurle de manière très forte. Comment vous réagissez? Je me précipite en direction du cri. Enfin, déjà d'abord du regard et ensuite physiquement. Ok. Moi, j'agrippe. J'agrippe Klingt de la main, genre tu prends le bras en fait, et genre je tourne dans la direction de là où était poussé le cri. Ce que j'allais dire, je demande quand même aux gendarmes derrière de rester surveiller Bonnet. Ok. Bon, en ce temps-là, j'aborde une magnifique discussion sur la rétroprolicité du personnatif au sein de la pièce de... Malheureusement, tu étais dans la pièce d'à côté, tu n'as pas eu accès à ce cri. Corniog, je suppose que vu que Victor réagit très vivement, tu n'as pas besoin de réchauffer Clint. Enfin, tu peux si tu veux. Hein, je tire de l'autre côté. On ne protège pas, c'est un prisonnier. Non, mais oui, je tourne simplement la tête dans le sens des hurlements, mais la vie de cet inconnu a moins d'importance que ma mission. Okay. Tout simplement, vous tournez et vous voyez une femme. Pour une description très générale, je dirais oui, blonde, queue de cheval, dans la trentaine, qui court à une vitesse phénoménale sur Clint. Elle lui fonce dessus. Je la plaque. Je le plaque. Mais là, vous êtes. Enfin, le problème, c'est que vous. Enfin, est-ce que eux, ils sont déjà au contact avant nous? Oui, non, mais je dis ça pour rigoler. Je dis ah, d'accord. Je courais dans sa direction à elle, donc j'imagine qu'il y a plus de chance. Après, peut-être pas. Esther est là, Hugo, lui, ne peut pas intervenir, malheureusement, pour lui. Par contre, Esther, oui. Et si tu veux essayer de la courser, bah, tu me fais immédiatement un jet d'athlétisme, un simple jet, qui sera mis en confrontation. Ça a l'air trop chelou comme histoire, mais... Enfin, moi, j'ai fait barrière de mon corps. Hein. Je me suis déjà mis... Athlétisme. Moi, je suis prêt au cas où Esther rate. Moi, je me suis mis devant Clint. Alors... J'ai le droit à quoi comme... Ah oui, attends. Je peux rajouter plus 2 contre un point d'XP, c'est ça? Oui. Bon, ouais, je pense qu'on va faire ça. Hein. J'ai fait 6, donc plus 2, ça fait 8. Ok. J'ai très bien pensé. Aussi. C'est pas trop dans mon intérêt, mais bon. Normalement, j'ai un bonus de 1 quand je suis de petite taille, mais là, en l'occurrence, je pense que ce bonus pourrait se transformer en malus. Je ne connais pas la morphologie de cette personne. Mais étant donné que je... Voilà. Quoi qu'il en soit, malheureusement, elle a fait un très bon jet, puisqu'elle a fait un double 6. Donc, tu te mets à courir, mais en fait, le temps que tu arrives à décaler les gens qui sont sur toi, bah, malheureusement, en fait, elle arrive déjà à passer, et elle est à quelques centimètres, ce n'est pas la bonne mesure, je suis désolé, elle est à quelques, pour ne pas dire de bêtises... Hein. Oui, à quelques pouces. À quelques pouces de... De moi. De moi, parce que moi, je suis devant. De moi. Ok, tu veux te mettre devant. Ah non, je suis devant. tout simplement, elle te voit devant, elle s'arrête, et tu vois que... Bah, elle hésite, enfin, elle a un blanc... Mais vite, enfin, je regarde... Enfin, j'attends à ce que Corniloff fasse quelque chose. Parce que moi je suis devant, genre en barrière. Après, toi t'étais là en train de dire si ça passe pas, Esther, je m'en occupe. Donc j'imagine que. Moi dans ce cas-là. Elle est devant toi. Oui, vas-y. Vas-y. Ah oui, je disais, moi pour l'instant là, je sais que j'ai raté mon truc, donc ça va se faire entre guillemets après ce que les autres sont en train de faire, mais je précise quand même. Vu que j'ai raté, on va dire, mon plaquage, je commence à dégainer et à charger mon pistolet. Ok. Et. Tu commences, toi, à sortir ton pistolet à charger. Toi, Clint, tu vois, qui est face à toi. Mais en fait, il y a les... Enfin, juste, elle est en incompréhension, tu vois. Il y a un moment de flottement. D'hésitation, mais, D'hésitation. Elle te regarde un peu surprise, tu vois, en mode, pourquoi tu... Qui êtes-vous? Je crie comme ça. Alors, tu lui cries alors qu'elle est juste face à toi. Bah, en même temps, depuis tout à l'heure, je pousse tout le monde pour me faire de la place. Donc, voilà, je suis vraiment en stress. Hein. Donc, je suis en mode amical. Un mouvement de recul. Excusez-moi, je peux lui parler? Vous êtes qui? Je veux juste. Vous adressez parler. À un métropolite. Vous êtes qui? Robocop. écoutez. Non, j'écoute rien. Je veux juste savoir votre identité. Je m'appelle Katia, mais pourquoi ça m'empêche d'aller me voir? Pour Monsieur Clint. Mais je. J'aime juste ce qu'il fait, vous savez. Eh bien, gardez vos distances. Je tire dessus. Non, du coup, je crie à Esther. Esther, c'est bon, va voir Monsieur Munoz. D'accord, donc c'était vraiment juste un cri en mode elle était fan de lui. En gros, c'est ça. Esther, c'est bon, on va voir Monsieur Munoz. Ah, j'ai failli la plaquer au sol. On est passé de Robocop à Judge Dredd. Oh là là, incroyable, incroyable. Ouais, on a tellement marché. Tu vois que elle se recule, mais enfin, elle comprend pas. Mais je comprends pas. Tout le monde a le droit de passer à côté de lui. Pourquoi moi j'ai pas le droit? Non, mais il y a des façons de passer. Une crie hystérique en pleine foule. Désolé. Nous sommes ici pour veiller sur la sécurité du baronnet. Voilà, nous sommes intransigeants là-dessus. Maintenant, je me tourne vers Clint. Je suis pas dangereux, regardez. Je tourne vers Clint, je regarde son attitude. Bah, tu vois que Clint, il comme vous, quoi, il a pas compris ce qui s'est passé sur le moment. Et il te regarde, tu sais, mais vraiment un peu étonné, tu sais, un haussement de sourcil en te regardant. Bon, et je regarde Kornilov, je fais un geste de la tête pour lui dire qu'est-ce que je fais. Je laisse passer. Bon, personnellement, je fais un geste comme si je m'écartais, je recule un tout petit peu pour la laisser. Ok, bah, je me pousse aussi. Mais je dis la prochaine fois, évitez de crier comme ça. Vous avez de la chance. D'accord, je suis désolé. C'est juste que je l'aime beaucoup. Et tu vois qu'elle va le voir, puis elle lui parle. Ouais. Enfin, je reste quand même proche. Oui, tu peux rester très proche. Hein. Pas de bêtises. Et tu vois, tout simplement, il converse un peu 2-3 minutes, et en fait, au bout de 3 minutes, elle lui fait un bisou sur la joue, et elle s'en va. Elle l'a touché. Elle est son projet. Sinon, vous continuez... La visite de ce magnifique salon artistique. Toi, Hugo, tu n'en as pas eu vent. Tu en apprendras sûrement cette histoire quand tu retrouveras tes amis. Et tu pourras même t'en moquer, parce que comme toute personne qui n'est pas présente sur le moment, tu peux avoir le meilleur recul du monde. Tu pourras me dire, bah, ça se voyait. Il n'y a pas de souci avec ça. Pendant ce temps-là, j'ai pu tenir une magnifique discussion sur la rétro-prostinicité. Dans la pièce sur le Deus Machina de Hubert, je le tiens à le préciser parce que c'est quand même la majeure partie de... On sent que l'auteur... Bon, certes, il faut relater ça à la photographie, mais tout de même, je trouve que c'était quand même un sacré coup qu'il fallait oser le faire, voyez-vous. Je vois vraiment Hugo parler de tout et de rien sauf de photographie. Il parle de tous les arts, mais pas de la photographie. T'as tous les gens du concert en mode « Non, mais attends !» Il n'a pas compris. Mais nous on est là pour dire que c'est de l'art. Il me fait oui, de l'art comme ça, pas comme la photographie. Quoi qu'il en soit, et vous finissez à partir de là vers midi. Vous savez que jusqu'à 14h c'est un repas organisé qui se passe à quelques lieues d'ici. Et quand vous sortez de ce petit salon, donc en une heure à peine, vous remarquez que le brouillard enfin a changé. Mais malheureusement, est devenu plus opaque. Si vous pouvez voir entre 20 et 30 pieds jusqu'à présent, là, une dizaine de pieds commence à être relativement difficile à cerner autour de vous. Rapproche de Monsieur Clint. Ah non, mais je suis très proche. Hein, limite, presque, je toucherai presque, tu vois. De toute façon, oui, mais à quelques mètres, à quelques pieds, du coup, tu l'aperçois quand même. Très vigilant. Mais ce qui est plus loin commence à devenir plus difficile à discerner. Mmh. Vous allez assister au repas. Un repas solennel, hein, comme ils l'appellent, hein, qui consiste plus ou moins à réunir les gens importants de la ville. Pas tous. Vous savez que le reste est prévu pour la soirée, bien entendu, soirée des exceptionnels. Voilà. Mais voilà, c'est réunir les gens importants et de manger, pendant qu'à côté, mangent les gens pas importants. Il y a vraiment une division de deux salles, et puis voilà. Mais le repas est plus ou moins offert, et puis après, il y a beaucoup de stands, etc. Parce que toute la ville ne se réunit pas au même endroit, bien entendu. Ça serait très compliqué à gérer. Mais il y a une partie qui peuvent manger à moins d'un lieu de, des personnes importantes de la ville, donc quand même, ça vaut le coup. Quoi qu'il en soit, vous participez à ce repas, et c'est un repas qui est assez ennuyeux, hein, réellement. Hein. C'est 2 heures de prévu, avec énormément de pauses entre chacun des plats, parce que voilà, faut vraiment faire durer le plaisir. Et des discussions qui peuvent vous intéresser, mais sont quand même assez hors sol vis-à-vis de ce que vous êtes en train de vivre. Vous êtes concentré à gérer une potentielle attaque, une tentative de meurtre, et eux sont en discuter de photographie, d'art, de vie, de finance. Il y a quand même beaucoup de gens. Et de cette opportunité que n'arrêtera jamais de parler Hugo de la journée. C'est lui venu là avec une chose en tête. Parler de ça. Quoi qu'il en soit, c'est 2 heures assez ennuyeuses. Et au bout de ces 2 heures, vous allez devoir reprendre du coup le parcours, se reséparer, ce genre de choses. Au bout de ces 2 heures, la pluie est de plus en plus forte. Là où c'était une pluie plutôt vive, elle commence à être vraiment violente. Le genre de pluie où même les gouttes d'eau peuvent faire entre guillemets un peu mal, tellement que ça, c'est assez virulent. Le vent est levé. Et la brume, le brouillard, est toujours là, opaque. Vous voyez à 6, 7 pieds devant vous. Ça devient relativement compliqué de vraiment surveiller ce qui se passe devant et derrière, sur les côtés. Munoz prend une chaise porteuse pour suivre le trajet. Il en va de même pour Bonnet. Combien de place ? Bonnet, d'ailleurs, il peut avoir deux places. J'insiste pour qu'il y en a deux. J'insiste. Ouais. Je vais être avec lui. À chaque fois, tu vois que lui, par habitude, il prend un truc, une place, et à chaque fois, tu fais... Non, non, non, mon ami. Le deux places. Malgré tout, Munoz est... Mais il est ouvert à la discussion, c'est-à-dire que quitte à être dans quelque chose de très petit pour vous deux, bah autant discuter et passer un bon moment que plutôt laisser un grand silence pesant. Du côté de Bonnet, c'est la même chose, il va prendre une chaise transporteuse, je crois, transporteur, quoi qu'il en soit. Chaise porteuse, ouais, voilà, c'est bien. Et il va tout simplement suivre la grande vague, le grand trajet. Esther, tu remarques que Bonnet, lui, est quand même très... pas désagréable, mais tu sens qu'il est de mauvaise humeur. Et cela est sûrement, vous le savez, lié au fait que son emploi du temps a été très modifié. Mais malgré tout, tu vois, il est pas agressif envers toi pour autant. C'est juste qu'il est d'humeur un peu acrimonieuse et du coup, ça se répartit sur tout le monde, mais tu n'es pas spécialement ciblé. Eh bien, si je fais quelques petites réflexions, je fais « Ah bah, c'est monsieur, c'est pas moi qui décide. Hein. » C'est parfait. Menteuse. Ouais. quand tu dis ça, tu vois, il lève les épaules et puis... détourne le regard pour se concentrer sur autre chose et pouvoir se plaindre d'un autre élément. J'en fais tomber mon stylo. Clint, lui, monte dans la rame, hein, vous le suivez. Et par contre, il faut faire un choix, parce que malheureusement, tout le monde ne peut pas monter dans une rame. Une rame a une taille quand même assez petite, malgré tout. Et si vous deux, métropolites, vous pouvez rentrer, quand en jeu d'armes, il faudra peut-être s'en séparer. Ou alors les faire monter et vous suivre le trajet. Alors, en ce moment, c'est hors de question que je quitte d'un pouce Clint. Donc, ce sera les gendarmes, selon moi, qui... Enfin, une partie des gendarmes, selon moi, qui devront se débrouiller. Alors, de préférence, je pense, les gendarmes en civil... ce serait plus logique que ce soit ceux en uniforme qui montent et que les civils, vu qu'ils sont censés être un peu incognito, se débrouillent un peu par leurs propres moyens. Qu'en penses-tu ? De toute façon, même ceux en civil ne peuvent pas vraiment monter dans la rame. Mmh. Donc vous vous retrouvez seul avec lui, vous pouvez discuter un peu. Okay. Et d'ailleurs, pendant le temps, vous voyez que Clint en profite pour vous glisser. Excusez-moi, c'est sympa tout ça, mais depuis ce matin, la surveillance pour ces histoires-là de groupe, est-ce que vous surveillez peut-être pas un peu trop? Non, parce que vous me suivez quand même de très proche et les gens se posent des questions. Pourquoi j'ai des métropolites qui me suivent? Vous comprenez que pour mon image, ce serait mieux si vous êtes un peu plus discret. Pour votre image, peut-être, mais pour votre sécurité, il vaut mieux que nous soyons à côté. Je vois, mais on peut être à côté un peu plus loin. Parce que, comprenez que... ça va faire parler. Si des métropolites me suivent, les gens vont dire que j'ai des choses à me reprocher, que j'ai des choses à craindre, et je peux pas laisser ce genre de rumeurs paraître sur moi. Pourquoi c'est pas le cas? ce n'est pas le cas. Pas publiquement. On va faire quelques pas en arrière, vous inquiétez pas. Merci, mais je vous demande pas de disparaître, mais juste... éviter de me coller vraiment au pouce près, c'est un peu trop visible. On verra ce qu'on peut faire. Tu vois que bon, ils se contentent de ça, parce que sinon c'est un peu difficile. À continuer la conversation. Vous vous rendez... au salon de l'éventail de la photographie de cette année. Enfin, deuxième, du coup, salon de l'éventail, mais spécialisé dans la photographie. Et comme vous l'avez dit au début, et du coup, j'accepte, vous avez eu vent d'esprit de vraiment mettre des costumes à côté pour pouvoir vous déguiser. Ce que vous allez faire. Vous renfilez les mêmes costumes habituels, hein. D'ailleurs, ça tombe bien, parce que pour notre ami Clint, il pense que vous faites ça pour être plus discret. Ça, c'est suite à sa demande que vous êtes déguisé, et il en est très content, et d'ailleurs, il vous remerciera discrètement une fois qu'il vous revoit comme ça. Ah, merci, c'est gentil. voilà, du coup, c'est... du coup, voilà, c'est vraiment... assez basique. Excusez-moi, je suis un peu troublé parce que je suis en train de réfléchir de ce que je fais en même temps pour Esther qui vient de disparaître. Bref, vous rentrez dans le salon de l'éventail. Au salon de l'éventail, comme d'habitude, hein, c'est la même chose. C'est plus semblable pour le coup au premier salon que vous avez visité, le premier salon de l'éventail. Avec deux bâtiments qui sont consacrés, c'est assez grand, il y a de quoi diffuser, il y a des artistes qui sont là pour présenter leurs œuvres, ce genre de choses. Et notamment, voilà, aujourd'hui, ça tourne énormément autour de la photographie, si on peut dire. Donc, il y a des choses très expérimentales, hein, c'est-à-dire des gens qui prennent en photo les crimes et qui disent « Non, c'est pas scientifique, on fait ça pour l'art. » Et c'est un peu tout ce que vous allez suivre, en fait, pendant ce trajet. C'est des gens qui essaient de montrer qu'une photographie n'a pas qu'un but scientifique, finalement, dans la vie. On peut en faire quelque chose d'autre. Je ne sais pas ce que vous en pensez, personnellement. Connerie. J'essaie de voir qu'il y a des... Personnellement, ce que je dois dire, c'est que la rétropositivité de la photographie n'est personnellement pas une chose que j'affectionne beaucoup. Et je pense que ce qu'il faut affirmer, c'est que la présence ou pas de la photographie en tant qu'art au Panthéon, bien sûr... des différents arts ne semble pas justifié. Voilà, faut le dire. Vas-y Victor, si tu veux mettre un petit mot là-dessus pendant que je... Et ma foi, il est vrai que la photographie forcément un art qui aujourd'hui culmine dans les hautes sphères, mais de par ce qui est aujourd'hui exposé, il est vrai que que cela mais peut, voilà. Peut-être avec un peu plus de travail, un peu plus de construction, pourrait peut-être à terme, dans un futur assez lointain, peut-être figurer dans des arts alternatifs. Mais pour l'instant, c'est plutôt récent, plutôt juvénile. Tu le verrais bien, du coup, dans le futur, rejoindre la loge des antiquaires. C'est ça. Cependant, quelque chose à noter d'important, c'est que si moi, Cornelov, je considère que tout ça, c'est des conneries, et que de manière générale, l'art en général, c'est des conneries, d'après ce que je pense, moi en tout cas, Grégory Yefimovitch, mon cher personnage, est très vocal sur son soutien total à la photographie, en tant qu'art, je dirais même principal de la nouvelle génération qui est en train de naître. Et que, allié à l'art du métal, ça peut devenir quelque chose d'incroyable. Mais je ne suis absolument pas d'accord, mais enfin, qu'est-ce que vous insinuez ? C'est profane, c'est dégoûtant. Il y a les personnages qui commencent à débattre entre eux. Vous allez faire un débat de personnages qui sont en train de s'infiltrer dans un milieu artistique. C'est absolument génial. Mais ça marche. En même temps, il est vrai que voilà, je ne suis pas complètement d'accord avec vous, mon cher monsieur, mais il est vrai qu'avec un peu de maturation, avec un peu plus de temps, il est fort probable que la photographie puisse un jour faire partie de ces arts qui apporteront peut-être un peu plus de volume, un peu plus d'étendue à nos arts primaires. Mais pas du tout. Il n'y a pas de maturation de l'art, il n'y a que des grands esprits qui les font avancer par des bons incroyables. Et le bon a déjà eu lieu avec l'invention de la photographie. Nous sommes déjà à la prime de sa capacité. Mais vous vous trompez, vous vous détournez des arts classiques, mon ami. C'est la seule, la vraie raison de votre, comment dire, vos élucubrations qui portent à faire croire que la photographie serait un bon immense, alors que le théâtre, regardez, un art millénaire que nous avons pu enseigner, que nous avons appris de nos ancêtres, contrairement mais à la attendez, photographie. Mais attendez, Monsieur Klint aurait envie de peut-être dire quelque chose. Monsieur Klint qui bah, défend, bien entendu, la posture de la photographie. Et en fait, ce qui sonne... En fait, jusqu'à présent, voilà, vous êtes quand même un peu habitué à ce milieu-là, même si vos personnages sont plus ou moins intéressés. Vous sentez que quand lui en parle, hein, vous sentez qu'il est aussi désintéressé que Kornilov. Vraiment, il balance des arguments, mais vous sentez qu'il n'y croit pas un seul instant. Et alors, oui, la photographie, un art, oui, tout à fait, bien sûr, oui, c'est un art. C'est très important, la photographie, hein. Puis même, c'est un exploit technologique, oui, tout à fait, un exploit. Mais que vous sentez qu'il a autant d'affinités. Quelqu'un n'apprécie pas ses arguments. Quelqu'un n'apprécie pas du tout sa défense un peu nulle. Je sais pas pourquoi, à un moment, il pète un pont et il arrête de lire en boucle. Continue de lire. C'est la fan qui revient. Pardon. C'est la fan qui revient. Comment ça, la photographie? Non, je sais pas pourquoi il... En fait, je fais lecture en boucle et à un moment, il s'enlève. Je sais pas pourquoi. Bref, c'est pas très grave. Tout ça pour dire que, voilà, il a vraiment une défense... Enfin, vous sentez, c'est un texte qui récite, quoi. Il a vraiment... Il y a un manque de vie quand il en parle. Et même pour toi, quand il love, tu sens que... Si nous étions... Que t'as sûrement plus d'amour pour l'art que lui, quoi. Et pourtant, tu viens de dire que c'était pas forcément le cas. Donc bon... Cette conversation, du coup, vous fait réveiller un peu ça, mais voilà, vous continuez à parcourir dans ce salon. Et rien de vraiment spécial s'y passe, encore une fois, c'est assez particulier, il y a plein de monde, etc., et vous devez surveiller. Mais... En fait, le plus dur, c'est de devoir surveiller sans savoir ce que vous devez surveiller exactement. Et d'ailleurs, je vous pose la question, vous pouvez répondre très simplement si c'est toujours le cas, mais... Est-ce que vous avez pour l'instant la même stratégie, c'est-à-dire celle de juste suivre la personne et de faire gaffe aux petits détails, etc. Est-ce que vous êtes toujours basé Oui, oui. Après, et je reste très vigilant. Ouais, moi aussi très vigilant et je suis toujours Monsieur Clint. Mais ouais. J'essaie quand même de temps en temps d'avoir un petit regard, on ne sait jamais, si quelqu'un venait me glisser un message, dans le sens que on a eu un message de Paris, ce serait bien. Parce que j'ai toujours en tête Monsieur Vachet, ça m'inquiète toujours de ne pas avoir de nouvelles. Tout à fait. Tu le gardes en tête. Mais bon, tant qu'il n'y a personne qui vient te voir, tu ne peux pas y faire grand-chose. Ouais, c'est ça. Continuez de surveiller. Au bout d'une heure... Vous sortez de là et Clint vous demande simplement 2 minutes pour souffler. Là. Il commence à fatiguer, il doit enchaîner en visitant des stands. Il aurait juste pouvoir s'écarter 2 minutes. On s'écarte, ça vous... c'est pas le problème. Avec lui, on s'écarte. Il accepte. Il demande juste que vous faites gaffe. Bah du coup que voilà que les gens viennent pas le chercher tout de suite. Tu vois, genre s'il y a quelqu'un qui est en train de venir le chercher. Tu vois, qu'il puisse se cacher dans la petite ruelle et que vous dites « Ah non, on n'a pas vu Bonnet. » Non, mais ça, il n'y a pas de problème. Hein. Est-ce que je les vois ? Ah oui, tu les vois s'écarter. Parce qu'encore une fois, là, quand tu fais des salons, des trucs comme ça, c'est ça. Grigorievitch, s'il vous plaît. Mm-hmm. Bon, je m'écarte et je vais rejoindre... Oui, juste sur la photographie, je voulais dire très rapidement. S'il vous plaît... Faites en sorte qu'il y en ait un qui reste avec lui et l'autre qui... Enfin, le laissez pas tout seul. Non, d'accord, t'inquiète. On le lâche pas, t'inquiète pas. Eh bien, je ne suis pas d'accord. Vous êtes un imbécile. Oh. Je m'en vais. Bouja. Espoir Hitler. Marlon Pion. Mais je ne vous ai même pas parlé. J'avoue, t'es le bon agressant, je pense à... Escoffier. Mec, de loin, il balance des insultes comme ça. Tu te dis, oh, tiens, deux gens qui se disputent, faut que j'intervienne. Quoi qu'il en soit, il prend 2 minutes, il respire, vous voyez qu'il commence vraiment à fatiguer. Et pourtant, il est qu'au début. Mais il commence à fatiguer tout ça, des gens qui viennent lui parler, etc. Et voilà, seulement, il souffle un peu, il vous regarde. Ça fait boulot, hein. Oui, c'est ça, hein. Poste de baronnet, il faut tenir sur la distance. Ouais. Et un de ces jours, ce serait bien de nous dire comment vous êtes devenu baronnet. Avec un sourire. Oh bah. C'est une histoire passionnante. Eh bien, j'ai hâte de l'entendre. Ah, mais sinon, votre groupe, là, c'est quoi? Non, parce qu'il y a eu quand même pas, mais il y a quand même quelques hommes là, par-ci par-là, je les vois surveiller. C'est quoi, c'est... Ça a l'air d'être un petit groupe quoi. Ah, c'est une, on va dire une unité de sécurité rapprochée. Et nous veillons à votre sécurité. Je ne pourrais pas. Vous je veux bien, mais vous m'avez parlé d'un. Vraiment? Bah, vous m'avez parlé d'un groupe là qui peuvent poser problème. J'aimerais bien savoir en quoi pour l'instant. En effet, ce sont des radicaux aux positions assez particulières en fonction des sujets. Il faut dire qu'ils voient les villes d'un mauvais œil. Et pour ce qui est de la photographie, ils semblent mal voir aussi l'idée de répliquer à l'exact quelque chose du vivant. Donc, de la photographie. C'est vrai. Oui, j'avais tout de suite compris que vous parlez de photographie. Voilà, et étant donné que vous êtes le représentant, le premier représentant de cet art, eh bien, vous êtes la cible numéro un. Le second, je ne suis que baronnet. Oui, mais aujourd'hui, vous l'êtes. Vous êtes celui qui met en avant cet art, et vous êtes donc la cible prioritaire, si je puis dire. C'est vous le titre. En tout cas, j'ai l'impression pour l'instant, c'est pas l'air si dangereux que ça. Hein. Tu vois que quand il dit ça, il finit de consommer sa petite pipe et il commence à se rediriger vers le. Vers le. Comment on appelle ça ? Vers la foule ? Non, vers le tram, tout simplement. Ah, le tram, ok. Trajet. et aller tout simplement un peu plus bas dans la ville pour aller visiter tout simplement les stands, les rues. Pendant une heure, il va juste ainsi marcher comme ça. Clairement, Bonnet n'en a rien à faire des stands. Ça ne l'intéresse pas. Surtout Bonnet comme Munoz, hein, sont des habitués de la haute ville. Hein. Et visiter des stands tenus par des petits gens, dont leur plus grand art est de peut-être faire une nourriture pas trop mauvaise. Bonnet, il surchauffe, quoi. Il en a vraiment marre. Et Esther, justement, il se tourne vers toi. Excusez-moi. Oui. Il n'y a pas possible que on arrête là pour aujourd'hui, je rentre chez moi. Non, ça va être compliqué. Vous m'envoyez navirer. Vraiment ? Si vous avez besoin de... On peut s'arranger. Comment ça ? Si c'est une question monétaire... Je peux largement. Non, désolé, c'est je. Ok. Non. Ce serait, disons, trop dangereux. On ne sait jamais. Les ordres sont les ordres. Est-ce que je peux au moins voir votre ami là ? Vous savez, le joli petit blond là. Si jamais vous restez. Pourquoi pas, oui, peut-être qu'on le croisera plus tard dans la soirée, il devrait être là. Et tu vois qu'à tes mots, il y a un énorme sourire qui apparaît sur son visage. Il part un peu, tu sais, comme un enfant qui a d'apprendre une superbe élève. Oh, chouette. Et il continue de suivre la route parmi les stands. Vous savez, je le connais depuis longtemps, et du coup, pour essayer de... Bon, il a l'air déjà d'être parti dans l'idée de rester, mais pour essayer de lui faire un peu, comment dire, repartir et vraiment le fixer l'idée de rester, que c'est important et tout. Pourquoi pas lui raconter deux, trois anecdotes de Hugo et moi quand on était un peu plus jeunes. Parfait. Franchement, et tu vois que là, il en rappelle. Pour rappel, voilà, tout déjà, le côté un peu... Tout à fait. Tout le côté acrimonieux qu'il avait en lui, là, tu sais, il s'évapore et il t'écoute, mais vraiment... Mais vraiment comme un petit enfant passionné du sujet. Quoi. D'ailleurs, Hugo... Enfin, Hugo... on prononce comment déjà ? Hugo ou Hugo ? Hugo, je me sens. Hugo. Ok. Je sais s'il est hétéro, s'il est bi, s'il est... tu n'as pas ça. Si je lui range le pas coup ou pas. Mais... Il est non-sexué. Hugo est plutôt sur une tendance asexuelle. Est-ce qu'il nous en a parlé ? C'est une vraie histoire, ça. Ouais. On a peut-être pu le sentir un petit peu par son attitude, hein, ne serait-ce que dans... Il l'a sûrement pas dit directement, mais c'est vrai que vous l'avez par exemple jamais vu accepter la moindre avance de qui que ce soit. En fait. Oui, puis je le connais depuis longtemps, moi je suis censé le savoir, je pense. Enfin, et puis moi, l'épisode de la maison close, ça a été quand même... Bon... Bon, bah dans ce cas-là, je reste vraiment du coup sur des pures anecdotes, même si je vois très bien que lui. Bon, j'ai compris ses intentions, je reste moi très. Clean, quoi. Oui, tu restes. Moi aussi, j'ai pas le terme, mais on se comprend, tu vois. Voilà, je peux lui raconter les trucs préférés de Hugo, enfin de Hugo, voilà, genre, quelle est sa boisson. Pas que l'autre commence à se dire, ok, parfait. Exactement. Les stands se finissent et tout le monde se dirige vers l'usine de la photographie. C'est une usine, en fait. Pour expliquer un peu, toujours un peu de l'or, vous apprenez durant la visite, hein, puisque clairement, c'est une visite vitrine, hein, vraiment. Hein, c'est pas genre, on va aller voir les machines, ces produits. C'est vraiment, il y a un guide et il est là en mode, oh, regardez, produisons de magnifiques appareils photo, etc., etc. Et de matériaux de base, en fait, pour faire fonctionner la photographie. Et vous apprenez que, en fait, cette usine, c'est une usine fille de l'usine du cuivre à Venise, qui, visiblement, du coup, a des petits enfants qui ont survécu à la fermeture massive d'usine qui s'est passée il n'y a pas si longtemps que ça. Et voilà, vous passez votre temps là-dedans. Il y a eu... Juste, je me permets de me demander à la guide, il y a une crise économique ces temps-ci? Que s'est-il passé? Pourquoi des villes ont-elles fermé? Tu vois que lui, il est en panique. Hein. Bon, c'est un guide, il est là pour présenter les bons effets. Si tu te poses des questions sur la situation économique de Venise, il est en mode, je ne peux pas dire des choses mauvaises. Hein. En plus, c'est, il est habillé en métropolite. Il y a le doge devant moi. Du coup, mais, oh non, il y a eu des projets de rénovation. Les usines qui ferment sont bien entendu destinées à réouvrir d'ici peu avec une meilleure structure. Tu vois qu'il se tourne directement et il enchaîne sur un autre sujet. Tu vois, genre vraiment en mode, posez pas d'autres questions, s'il vous plaît. Oh, mais cette machine-là, je vous ai pas présenté. Vous restez actuellement. La machine à café. Vous... S'ils l'ont déjà, c'est qu'ils sont très riches comme usine. En tout cas, voilà, vous restez à surveiller vos personnes. Hein. Et. Il n'y a rien de particulier, encore une fois, cette de simple usine. Par contre, la brume est devenue méga épaisse, à un point que vous n'avez peut-être jamais vu à ce point. À seulement deux pas de vous, c'est difficile de discerner quelque chose. Pour ceux qui avaient pris des distances, vous avez sûrement dû vous forcer à maintenir une distance très relative avec... les personnes que vous surveillez. Et pour dire, même l'usine hein, qui est visitée, vu que c'est ouvert, il y a une bonne partie, en fait, tout simplement, qui rentre. Et du coup, ouais, même l'usine, c'est assez compliqué quand même de s'y repérer. Vous pensez que si vous devez y retourner, vous serez incapable de retrouver les locaux qu'il vous a présentés. Et c'est une lune très épaisse, une pluie très forte, un vent horrible qui est à l'extérieur, au point que quand vous êtes dans l'usine, vous entendez frapper très fortement tout simplement des grosses plaques de métal, de briques, etc., qui servent à faire de la toiture, vraiment claquer, il y a des morceaux qui volent. C'est un temps de tempête, littéralement, qui est en train de se passer, mais une tempête qui en plus garde... la brume du matin, alors qu'il est à l'heure actuelle quasiment 18h. Elle est restée toute la journée. Je me tourne vers Clint. Je dis, écoutez, je pense que personne ici n'a eu l'occasion de voir ce genre de temps. Enfin, du moins, je n'ai pas souvenir d'avoir vu ce genre de temps, surtout à cette époque-là de l'année. Ne serait-il pas plus intéressant de décourter des choses d'extérieur et se diriger plus dans quelque chose à l'intérieur, peut-être aller déjà faire la pré-soirée? Oui, justement, de toute façon, là, on a fini dans 5 minutes. Après, on remonte à autre ville et on est juste à la soirée des exceptionnels. Ouais, je pense aussi. Hein. On va être à l'abri, vous inquiétez pas. Il vous reste 5 minutes à tenir. Ok. Après, on verra que tout s'est bien passé. Tu vois qui rigole. Oui, évidemment. Ça n'annonce rien de bon. Et moi, j'ai toujours une pensée pour... c'est quand qu'il arrive ce message. Vous sortez de l'usine, la visite est terminée. Et il y a 5 minutes de répit pour tout le monde, puisque c'est là que se termine la fête pour les accompagnateurs lambda. Puisque après, c'est une soirée désexceptionnelle, donc ça ne se passe que dans les hautes sphères de la ville. Donc les gens lambda s'arrêtent là, et puis voilà, il y a 5 minutes de battement pour aller voir Clint, le remercier, t'as dit, c'est vraiment une conversation un peu de base. Mm-hmm. Clint joue toujours son rôle. Vous le voyez très fatigué, par contre, avec la journée qui vient de se passer, qui plus est, en plus, les saluts se passent dehors, donc c'est dans un brouillard monstre. très opaque. Il se prend la pluie en pleine gueule alors qu'il est en train de... Il est quelle heure là ? Il est 18h. Ok. Entre 18h et 18h05, c'est vraiment le temps de battement. Et tous vos amis se retrouvent et décident de partir. Parce qu'il n'y a que Clean qui doit vraiment rester parce que c'est lui le représentant du truc. Et eux commencent déjà en fait à remonter, surtout qu'eux n'ont pas le tram. Donc Munoz et Bonnet remontent tout simplement déjà. Et ma question, est-ce que vous les suivez ? Sachant que pour le coup, il y a la première dispersion réellement entre chacun des groupes. Sur l'emploi du temps, on en est à où ? Pré-soirée exceptionnelle. J'avais ouvert le screen du truc, mais j'ai vu que j'ai redémarré mon ordi, j'ai perdu tout ce que j'avais ouvert dans les fenêtres. Pré-soirée, 18-19h. Ok. Juste tout le monde participe à la pré-soirée. Ouais, si, du coup, nous, on s'est recroisés à ce moment-là, on est d'accord, on est de nouveau ensemble. Vous allez pouvoir vous recroiser avant que eux commencent à partir en avance. Pendant le battement, j'aimerais faire une réflexion au reste du groupe. Genre très rapide, tu sais, si on a vraiment quelques secondes ou un moment, on peut se retrouver entre nous et on peut discuter. Je sais pas si on en a l'occasion. Mm-hmm. Ok, je viens de repenser à un truc. Peut-être une thèse qu'on aurait peut-être pas dû écarter. Je sais pas si elle est pertinente ou pas, mais elle vient de m'arriver en tête là comme ça. C'est que juste après, on a le repas. Il faudrait faire peut-être attention à ce que mangent nos invités, enfin nos cibles, pardon. Enfin nos protégés, comme vous voulez. En soi, ça rentre pas trop dans le process de il procède bientôt. J'aimerais être méfiant quand même. Comment tu veux, tu vas partir de goûter les plats, tu veux faire comment ? Je sais pas où s'arranger pour qu'on leur donne pas spécifiquement à eux, enfin toi vraiment qu'ils se servent dans un truc global, dans un banquet. Non, honnêtement, je pense que tu pars peut-être trop. Tu vas peut-être trop loin après tout. Alors, c'est comment le service de ce qu'on fait ? C'est genre un service à la française où on t'apporte t'as une table où tu viens de servir avec un énorme sanglier et tout le monde tape dans le même sanglier, ou c'est genre tout le monde a sa petite assiette service à l'anglaise préparée par le chef C'est plutôt oui, assiette préparée. Le midi c'était plus à la française en mode on vient vous servir avec un. Le soir par contre c'est vraiment quelque chose de préparé parce que c'est la soirée des exceptionnels, ils le méritent. Oui, donc okay. En gros, c'est il y a des serveurs qui amènent les assiettes sur la table, en mode. Je pense qu'il faudrait qu'on soit vigilant. On va faire un petit contrôle qualité cuisine si tu veux. Ministère de la propagande et de l'hygiène. Mais j'y pense comme ça, c'est rapide. De toute façon, là, va falloir bientôt qu'on se décide, donc j'ai pas énormément de temps à vous accorder. Enfin, on n'a pas énormément de temps, j'imagine. Je me dis juste. Et procedimento, il se déguise en serveur, il met un peu de poison dans l'un des plats, il rajoute le petit vinyle à côté. Enfin, je sais pas, il pourrait adapter. Après, ce qu'on peut faire. Peut-être pas, vous avez peut-être raison, parce que c'est juste moi qui. Ce qu'on peut faire, vu qu'on a des gendarmes civils sous la main, de faire en sorte que les gendarmes apportent les plats aux VIP. Mais oui, mais on peut très bien imaginer qu'ils se mettent en serveur et ils apportent des plats. Quoi qu'il en soit, Bonnet et Munoz partent maintenant. Du coup, où est-ce que vous... Donc là, moi, je vais suivre Bonnet. Je veux continuer. Attendez-moi, Monsieur Munoz. Attention, parce qu'il est à côté de... C'est qui? Il va te voir et il va faire... Oh. Clint. Il va nous demander ce qu'on échange. Bref, il dit enfin les présentations. Les gens sont venus, beaucoup de gens, beaucoup de contacts, etc. C'est vrai que c'est aussi un peu ce qui est un peu compliqué à surveiller. Vous devez faire gaffe que personne n'essaie de le tuer. Mais il y a environ 250 personnes en une heure qui viennent en contact de Clint. Donc c'est toujours très efficace. Quoi qu'il en soit, vous commencez à... Excusez-moi. Vous commencez à du coup suivre Clint qui se dirige en direction de la trame. Et du coup, alors que vous êtes en train d'avancer à... Je sais pas, un message pour moi. À suivre, du coup, le Clint, vous entendez tout à coup une détonation retentir à quelques pas de là. Vraiment, vous direz à 10-15 pas de là. Une énorme détonation et une légère teinte rouge se détacher dans la... dans le brouillard opaque. Qu'est-ce que vous faites? Ben, moi, en mode, je suis sur clean, quoi. Genre, hop, direct. Je jette un œil personnellement à la détonation, voir s'il y a des blessés, d'où est-ce que ça vient. Alors, pardon, excuse-moi, j'ai oublié d'indiquer. C'est, vu que on est sur clean, c'est essentiellement quand d'accord, okay, pardon. Et Vic. Allô? Non, mais je ne l'ai pas indiqué, je comprends. Désolé. Oui. Pardon, non, désolé, j'ai un petit flic. C'est pas. Bon. Kornilov, Victor, du coup, qu'est-ce que vous faites? Moi, je suis vraiment au contact de Clint. Je regarde aux alentours et à peu près dans la direction où on a entendu la détonation. Et donc... Ok, toi, Kornilov. Et moi, eh bien, voyant que Victor est sur la défense, eh bien, je suis sur l'attaque. Alors, je sors mon stylet tout simplement et je me mets entre Clint et la forme rouge, je ne sais pas trop. Et vraiment plus dans l'idée d'avancer vers elle que de protéger Clint, quoi. Toi, Victor, alors que tu es en train de... Enfin, voilà, tu te mets vraiment en contact de Clint pour le protéger. Tu vois qu'il se dégage, en fait, de toi. Il se débat. Mais ça va pas. Qu'est-ce qui vous prend? Mais attendez, vous venez d'entendre ce qui se passe. Peut-être que c'est ce qu'on vous a dit. Donc maintenant, vous restez collé à moi. Je ne veux pas que vous vous détachiez de moi. C'est un ordre. C'est pour votre sécurité. Vous êtes totalement barjot, mais ça va pas. Lâchez-moi, tu vois, qu'il se débat. Et si tu veux résister, il faut faire un jet de l'athlétisme. Il est super bas. Ah, oui, il est un peu fort. Moi, je suis une merde. Je suis à 5. Alors, d'habitude, je parle pas trop de marge, mais il a quand même 10 de différence avec toi. Bah oui, mais en même temps, il est costaud. C'est Victor qui a non, mais il peut me bazarder, hein, il peut me pousser, tu vois. Ah oui, là, clairement, en fait, tu vois, tu essayes de résister. Non, enfin, voilà, tu t'imposes comme tu me l'as dit, en mode, voilà, c'est un ordre, je reste là. Et tu vois, en fait, que bah, voilà, le mec, il a quand même une sacrée carrure, il est très carré, très musculeux. Et en fait, c'est pas un petit peu pépère pour lui. Il te repousse, en fait, tout simplement, de l'arrière-bras et rentre quand même, du coup, dans la rame. Vous avez droit à une réaction chacun. Qu'est-ce que vous faites tout de suite? Ah, maintenant, je rentre dans la rame, moi, c'est sûr. Ok. Kornilov, bah, par honnêteté, je dirais que j'ai sûrement pas vu ce qui s'est passé derrière moi vu que j'avançais vers la source rouge, donc j'imagine okay. Que je suis en retard. Tu vas me faire un jet, s'il te plaît, un jet très spécial, hein, puisque c'est sur une compétence qui n'existe pas. Mais tu vas du coup me lancer 2d6 et je m'occuperai de faire le reste, s'il te plaît, mon ami Victor. Ah oui. Bon, c'est le moment de faire un beau jet. Tu peux dépenser. Merde. Et tu dis, alors, je n'ai pas la compétence, je te donne juste le résultat, j'ai fait 10. Ok. Tu arrives hein, à te glisser à un centimètre, enfin, du coup, à un pouce après avant la fermeture des portes, qui se passe immédiatement après l'entrée de Clint, ce qui est du coup un réflexe extraordinaire. Tu as fait preuve d'une sacrée vitesse. Sachant que les portes ne sont pas automatisées, mais elle vient de se fermer à l'instant même où Clint est rentré. Et à peine, du coup, tu as le temps de dépasser le seuil de la porte hein, que le véhicule se met en route et grimpe vers le haut. Kornilov, hein, tu en rends d'avancer vers la forme rouge et au moment en fait, où tu arrives à la distance imaginée, il n'y a rien d'autre. Hein, Bah, que des gens qui te regardent de manière un peu affolée en fait de te voir sortir ton arme, etc. Et tous s'étonnent et s'écartent en te voyant. Il n'y a absolument rien et tu entends derrière toi le bruit du drame qui vient de démarrer. Est-ce que y a un système d'urgence dans ces rames-là? Pardon. D'abord Kornilov. Pardon, excuse-moi. Il n'y a pas de souci. Je déjà oh là, c'est chaud. Je dirais que j'ai plus me concentrer sur la foule que sur le truc. Bon, le truc, il est parti, il est parti. Je le rattraperai. Mais je vais me concentrer sur la foule qui me regarde et je vais tout simplement dire qui a tiré? Très bien. La foule est paniquée, te voyant être un peu offensif envers eux, et tu vois qu'ils ont vraiment un sentiment sincère de panique. Mais qu'est-ce que vous racontez? Personne n'a tiré, qu'est-ce qui se passe? On n'a rien fait, s'il vous plaît. Le bruit! Vous l'avez entendu comme moi. On n'a rien fait, s'il vous plaît. Tu vois que elle chuchote quelque chose à l'oreille de la personne à côté d'elle et l'autre part en cours. Ah non, il y avait la personne qui parlait, qui faisait un truc à quelqu'un et qui l'autre ici. Hein. C'est ça. Je Très bien. Un peu d'athlétisme, s'il te plaît. Victor, tu es à l'intérieur. Tu veux regarder si y a un système de sécurité. Effectivement, normalement, en fait, il y a une manette qui sert à ça. Sauf que quand tu t'y approches et que tu essaies de la tirer, pardon, j'ai eu un suspense intenable. Quand tu t'y approches et tu essaies de tirer, le mécanisme ne bouge pas d'un poil. C'est bloqué, quoi. Je vais un peu prendre un peu, à part du coup les deux personnes un peu extérieures. Esther et Hugo, pour vous expliquer, parce que vous étiez plus ou moins à la même distance, vous n'avez pas du tout entendu de bruit. Il n'y a rien qui vous a paru suspect ces derniers temps. Et surtout, bah, en fait, tout ce que vous avez autour de vous pour l'instant, c'est juste le départ hein, d'un rame qui était prévu pour partir. Donc c'est pour l'instant la raison pour laquelle je ne vous fais pas agir, parce que vos personnages n'ont pas conscience de ce qui est en train de se passer. Alors qu'on était juste à côté. Vous étiez juste à côté, vous étiez quand même commencé à être distancé, mais vous étiez Oui, effectivement je veux dire, pas une non plus. explosion, on aurait dû l'entendre en fait, à la distance Ouais, où on est. on s'est éloigné de toute façon pour rejoindre. Vous êtes éloigné, mais effectivement, enfin, vous n'êtes pas non plus à des kilomètres de là pour pas entendre l'explication. Est-ce qu'on Effectivement. voit ce qui est en train de se passer avec Cornilogue ou pas? Et éventuellement la mini bagarre qui a eu lieu. Non, malheureusement, je rappelle qu'il y a une Bon, dans ce brume cas-là, nous, on continue épaisse. d'agir normalement. Voilà. Sachant que les autres, ils se rendent Ils se rendent tous, en fait, au au niveau de repas Nissan solennel. pour passer voilà, le repas sur la mer. Ok. Et du coup, effectivement, pour l'instant, vous n'êtes au courant de rien. Du coup, oui, pour l'instant, nous, on agit, enfin, moi, en tout cas, voilà, parfaitement normalement. Voilà. En gardant en visu, donc en scrutant la foule et en gardant en visu les deux gendarmes qui nous aident. Kornilov, tu m'as fait ton jet d'athlétisme. Oui, ça fait 8. 9, 10, 11, Et 11. bah t'as de la chance, parce que ça passe. Et donc tu rattrapes le jeune, tu fais quoi en fait quand tu le rattrapes? Tu le plaques, tu Oui, je plaque au sol. D'accord, tu le plaques au sol et tu vois qu'il est en larmes. Non, s'il vous plaît! On n'a rien fait, pourquoi? C'est... Pourquoi tu fuis, gamin? On m'a dit d'aller chercher des gendarmes! S'il vous plaît! En tenue de métropole, c'est pas logique, non? Oui, mais tu es en tenue de métropolite qui a sorti une arme et commencé à les menacer. Il a pris peur. Je vais me tuer Oh! moi, bien. Ce n'est qu'une arme! Comment tu réagis? Dis-moi, dis-moi, dis-moi. Je dis, me raconte pas de conneries! Je vous promets, je voulais juste chercher des gendarmes, j'ai appris un peu peur. Je le saisis et je le relève pour me relever moi aussi et me retourner du coup vers la personne qui lui a parlé en te le tenant devant moi quoi le type. Et je vais gueuler à l'intention, à la fois du cible que je tiens et à la personne qui lui a parlé. Qui vous a payé pour faire diversion ? Mais, de quoi vous parlez ? Je comprends pas. Qu'est-ce qui vous prend ? Une réaction, s'il te plaît, rapide, efficace avant de... Du coup, je pense que ma réaction, c'est d'insister encore une dernière fois. Avant de me rendre compte que je suis bien et que je viens de faire que je suis rigoureux. C'est le même discours. Victor, tu es à l'intérieur, le manche ne marche pas. Que fais-tu ? Alors, comment c'est au niveau de la confection de la cabine ? Est-ce qu'il y a des fenêtres qui peuvent s'ouvrir quand même ? Quelque chose qui... Alors, c'est complètement fermé. Il y a des fenêtres qui peuvent s'ouvrir. Et je vais reprendre exactement plus ou moins la description que j'ai dans ma nouvelle. La cabine, en fait, a une forme pas ovale, mais carré arrondi, si tu préfères. Enfin, rectangle arrondi. Et en fait, chacune des extrémités a un renfoncement, tout simplement pour le moteur, pour ranger les bagages, ce genre de choses. Donc, il y a deux renfoncements à chacune des extrémités. Et sinon, ce n'est qu'un ovale. Il n'y a pas de siège, il n'y a rien. En fait, c'est vraiment des cabines qui sont faites vraiment pour des situations exceptionnelles. Donc, ce n'est pas un grand confort. Et tout simplement, voilà, il y a juste un manche qui est sur le tableau de bord. Il y a des fenêtres que tu peux ouvrir et il y a toujours, ça tu le sais par habitude, parce que tu l'as pris quand même quelques fois, une trappe, en fait, qui se trouve en haut du truc. Est-ce qu'il y a censé y avoir un conducteur ? Ça fonctionne comment ce truc ? Eh bien, en fait, il n'y a pas de conducteur parce que c'est un peu comme un métro chez nous, c'est-à-dire que c'est automatisé dans le sens où il n'y a qu'un chemin que peut prendre la tram, parce que je rappelle que Venise en a quasiment pas, donc en fait, ils ont vraiment fait un truc à chaque branche, comme ça, pour aller à chacune des endroits des quartiers, et c'est tout. Donc en fait, la tram suit une route droite sans interruption, donc il n'y a pas besoin de conducteur, hein, puisque... Ouais, mais alors comment on sait que la rame va partir pour lui, parce que j'imagine qu'elle était un peu réservée à sa personne. Donc, comment la personne qui doit mettre en... Eh bien, normalement, il y a une surveillance. Il y a toujours quelqu'un qui fait normalement partie de la prévenance. Je ne sais plus lequel. C'est pas la droiture, c'est l'autre. J'ai oublié, pardon. Bon, c'est le gars qui fait partie de la prévenance. Et tout simplement, qui gère cette partie-là de la ville, et notamment le tram, et qui en fait vérifie les personnes, leur autorise de passer et actionne le moteur. Et là, effectivement, tu mets le doigt sur quelque chose, il n'y a personne. Ouais, donc il s'est activé tout seul, quasi. C'est l'idée, oui. Ou alors, on ne l'a pas vu faire. Mais moi, personnellement, là, en tout cas, tout de suite, j'aurais dans l'idée d'actionner notre système d'urgence, si je puis dire. Je vais ouvrir la trappe au-dessus rapidement. Bon, de toute façon, je suis en présence de Clint. Il est avec moi. De toute façon, il ne peut pas faire grand-chose pour l'instant. Je vais ouvrir la trappe et je vais tirer ma fusée dans la direction des autres. Fais-moi 2d6, s'il te plaît, c'est pour voir. C'est pour un peu situaliser la chance que tu vas avoir de tirer 10. À ce moment. Tu as de la chance. Tu as ouvert assez rapidement. Par contre, en ouvrant la trappe, il y a toute la brume qui rentre vraiment dans la cabine, exactement. Merci, c'est le mot que je cherchais à la base. Il y a toute la brume qui rentre dedans, donc vraiment, vous faites envahir de brume, elle est très épaisse, et tu tires. Ça fait une détonation. Alors, pour le coup, quand je dis tirer, c'est pas comme un pistolet de secours, hein, c'est vraiment un truc qu'il faut que tu allumes. Donc voilà, plutôt, tu allumes, la chose part en l'air, explose, et permet simplement de faire du bruit et de la couleur pour permettre de repérer. Et par chance, parce que ton jet n'était pas mauvais, Hugo et Esther, vous êtes dans le rayon nécessaire à entendre l'explosif. Malheureusement, à cause de la brume, vous ne voyez pas la couleur se répandre, mais vous avez entendu l'explosif de votre fusée de détresse. Ok, à ce moment-là, d'un seul coup, je regarde la direction pour voir d'où ça provient. Donc je vois que ça vient du rail, c'est ça exactement ? Alors, tu vois pas exactement du rail, parce qu'encore une fois, vraiment, il faut vraiment voir que cette brume, elle est, tu vois, 2 mètres ah devant toi. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Tu ne vois rien. Donc, c'est vraiment très, très épais. Par contre, Tu le sais un peu par habitude, parce que tu as quand même un peu l'habitude à naviguer à Venise, mais tu sais que tu peux donner la direction avec les points cardinaux et tu peux t'y diriger. Tu sais plus ou moins que le rail passe par là, même si ce n'est pas forcément la première chose qui te vient à l'esprit. Mais... Je pense en effet que je vais me précipiter dans cette direction en demandant à mes gardes de ne surtout pas quitter des yeux, en tout cas, notamment mon premier gendarme, celui qui n'est pas en civil, mais je sais qu'il y a l'autre juste derrière, de ne surtout pas quitter des yeux Bonnet. Ok. Et toi, tu vas dans la direction, c'est ça? Ouais. Et je cours dans la direction de la fusée. Donc, un peu, je me repère au bruit. Ouais. Voilà, enfin. Je vais faire de même. Ok, donc tu fais de même prévenance et vous vous mettez à courir tous les deux. Je vais vous demander un jet d'athlétisme à chacun de vous deux. Pendant si ce temps-là, Si jamais il fallait par exemple à un moment monter, escalader genre une rambarde dans un truc pour pouvoir essayer d'accéder au rail comme on peut, j'en sais rien, j'ai du mal à visualiser exactement. Genre par exemple, je pourrais faire peut-être la courte échelle à Hugo. Je sais pas si on a pris le même chemin, mais... Si jamais on se retrouve. Mais après, vu qu'on va dans la même direction, j'imagine qu'on va forcément se retrouver à un moment en train de courir tous les deux. De toute façon, ça rentre en compte dans le jet d'athlétisme. 12, et j'ai fait 2-6. J'ai fait 11. Kornilov, je m'occupe de vous après. Kornilov, donc tu viens de cesser à battre. Ah, tu vois, je vais pas regarder si tu étais dans le diamètre... Bah, il est plus proche, normalement. Kornilov, tu es effectivement dans le diamètre. Hein. Donc tu entends la détonation. Tu sais qu'il y a une coloration très incertaine un peu au loin. Tu vois de la brume un peu plus grisâtre, un peu plus fin. Tu vois qu'il y a un truc qui va pas plus loin. Et tu es toujours entouré de ces personnes totalement tétanisées en train de te supplier, enfin, de te supplier de ne pas leur faire du mal. Que fais-tu? Bon, du coup, je commence à me rendre compte qu'a priori, il y a erreur sur la personne. Du coup, je vais simplement, avec le gars que je tiens, je vais le relancer vers la foule, vers la personne qui l'a dit avec quelqu'un. Et je vais aller commencer à courir l'arme à la main de là où je pense pouvoir me rapprocher plus du wagon, du ram. Ok. Eh bien, effectivement, c'est une bonne idée, tu vas pouvoir le faire. Cependant, le ram, ça a quand même une certaine vitesse, donc il va te falloir aussi un jet d'athlétisme. Pense cela. Ouf, je suis pas professionnel. Victor, tu viens de tirer. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais globalement, sachant que là, il y a la brume qui a vraiment envahi l'espace. Bah, de toute façon, voilà, j'essaie de voir, donc on se voit quand même avec Clint. Excellente question. Tu descends du coup de la trappe hein, après avoir tiré. Et alors que tu rentres en descente, t'entends en fait un énorme bruit, un fracas juste en dessous de toi, à quelques centimètres de toi, et un fracas plutôt de verre, hein, comme si une fenêtre venait d'être brisée. Et ce qui fait que la brume s'enfonce encore plus dans le bâtiment, dans la rame, tu descends et tu vois Clint. Ok, il saute ma gueule. C'est pas grave. Tu vois Clint pris comment on dit déjà qui est en étreinte tout simplement par une personne masquée dans une tenue mordorée. Putain. De la tête aux pieds. Je sors mon... l'épée ou le machin que j'ai et je... Oui, d'ailleurs, tu es plutôt lame courte ou lame longue? C'est juste pour savoir, pour le roleplay. Là, je vais prendre une lame courte. On va dire que c'est... Ok. Je accède parce que j'ai oublié de te poser la question avant. Donc tu sors ta petite... Je me précipite dans la direction hein, de Clint. Ok. Donc... On va faire du coup la première confrontation difficile de ce jeu. Donc tu vas devoir affronter. Et quand tu te diriges sur lui, tu vois qu'il repousse Clint d'un bras et de son autre tend son sabre dans une posture d'escrime, tout simplement. Oh, punaise. Donc je vais te demander du coup de me faire un jet d'opposition avec 4d6 et de me faire comme d'habitude accomplissement, prévenance, etc. Alors, j'ai vraiment fait l'escrime pour te donner une idée de comment tu vas devoir être aidé. Voilà la position que tu dois faire, Rick. Alors, moi aussi, je vais en faire de l'escrime, mais j'ai pas ma cam. Alors, du coup, c'est en quoi c'est attends, en escrime Attends. Ouais, c'est dans l'escrime. Attends avant de me répondre, parce que je, pour être honnête, il faut que je fasse ma préservation et ma mon accomplissement et ma préservation avant que tu donnes les résultats pour être totalement neutre dans mon approche. Est-ce que je peux utiliser mon trait? Il se déroule pour toujours trouver une solution sur le tas. Alors, allez, c'est pas possible dans le futur si tu trouves une solution sur le tas, comme par exemple une arme improvisée pour prendre le dessus. Mais là, tu fais juste attaquer, donc non. Ouais. Désolé. Regarde, j'aurais essayé. Ah oui, non mais. Alors maintenant, tu peux me donner les résultats. J'ai fini ma. Bah là, de toute façon, je suis obligé d'opti parce que j'ai zéro en escrime. Donc, ça va me faire 11 en attaque et 3 en défense. Je joue le tout pour le tout, de toute façon. Tu vois que tu fonces dessus. Tu vas lui porter un coup, tout simplement. Je pense que tu essaies de le toucher. T'es pas là pour autre chose. En un seul moulinet de la main, il arrive à totalement dévier ton arme. Et comme tu as une marge strictement négative immense, tu perds ton arme. Il arrive à totalement désarmer en un seul coup. D'accord. Et il attaque immédiatement après. Je te laisse me refaire, s'il te plaît. Oui, c'est un autre round. Tu me refais pareil, 4d6, etc. Préservation. Et, enfin, sauf que là, c'est lui qui a l'initiative. Eh bien, je moi je suis en mode tout pour le tout. J'ai 12 et 7. Ok. Tu vois qu'il arrive vers toi et vient tout simplement essayer de planter sa lame à ton niveau et tu as un réflexe de dernière seconde. Parce que là, avec une marge de 1, ce n'est qu'une seconde qui a joué. Au point que en fait, la lame arrive même à transpercer un peu le tissu. Tu vois, c'est vraiment l'esquive à la dernière des secondes pour que la lame ne te rentre pas tout simplement dans le corps, ce qui aurait été très problématique. Par contre, si tu tentes de réattaquer immédiatement, tu vois qu'il est déjà en posture prêt à recevoir ton attaque. Et on va passer immédiatement à nos trois autres compatriotes. Les trois courent du coup dans la direction pour essayer de rattraper ce rab. L'avantage, c'est que vous courez plus ou moins tous pour rattraper la même chose, donc vous allez pouvoir vous croiser assez rapidement, et c'est le cas, puisque deux courent tout simplement dans un sens horizontal et un vertical, donc forcément, si vous suivez le mouvement de mes mains pour ceux qui ont la caméra, bon, bah, ça fait un croisement au bout d'un moment. Et donc, vous vous croisez en fait au moment... À l'endroit où a été tirée finalement cette fusée de détresse, bon, malheureusement, ben, le tram a continué à avancer, donc vous n'êtes pas face à la cabine, vous êtes tous les trois au niveau où vous estimez c'est le cas, et vous vous retrouvez visiblement, donc réellement Hugo et Esther, vous voyez Kornilov arriver, essoufflé, courir, hein, et vous comprenez, en tout cas, que Kornilov n'est pas dans le rame, donc il n'y a qu'une seule personne qui a pu tirer cette fusée de détresse. Ou alors un des gardes minimes. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes tous les trois là, vous êtes face aux rames qui sont malheureusement vides puisque bah, la cabine continue. Est-ce que vous... On suit le rail, vite! On continue à courir? Cours! Ouais. Oui, on suit le rail. On peut pas démarrer, il n'y a pas d'autre engin, j'ai du mal à visualiser. Est-ce qu'on pourrait démarrer nous un autre pour suivre le premier? Alors non, c'est vrai que c'est pas quelque chose que j'ai beaucoup parlé du rail, puisque c'est, comme je vous l'ai dit, il y a une restriction très forte, mais comme Venise est une structure totalement instable, ces rails-là, c'est vraiment un petit plaisir de riche qu'ils utilisent à très rares occasions, parce qu'en fait, à chaque fois qu'ils l'utilisent, hein, t'as une chance sur deux de voir Venise s'écrouler, donc bon, du coup, c'est vraiment quelque chose de très minime, et c'est toujours en fait qu'une seule cabine. Il y a, tu vois, genre le rame ne fait qu'une seule cabine. Et en fait, il y a que deux cabines en tout. Une qui reste toujours au centre et une qui fait le trajet au cas où pour faire le chemin inverse. Mais ça veut dire qu'il faudrait que vous arriviez au centre pour prendre la cabine, pour refaire le chemin inverse. Donc, ça prendrait sûrement énormément de temps. Okay. Mais je repose du coup ma question pour être sûr. Est-ce que vous continuez vraiment le chemin à pied? Bah, il n'y a pas l'air d'avoir d'autres alternatives. Il y a d'autres alternatives en vue? C'est pas à moi de vous le dire. Mais qu'est-ce qu'on a devant nous? Si on croise un gars avec un vélo, je carjack son vélo. Par exemple, ceci est une alternative totalement acceptée. Okay, mais le ministère de la propagande, n'importe quel véhicule situé dans un rayon proche doit immédiatement s'arrêter et se diriger vers cette voie pour nous le remettre. Question, le truc, il est au-dessus de l'air ou sur des rails? Ce sont des rails qui sont construites. Mais il y a des murs autour. Vraiment, tu peux traverser sur les rails comme si de rien n'était. Tu peux traverser sur les rails. D'accord, ok. Ah oui, bah dans ce cas-là, en effet, si jamais on trouve le moindre véhicule à proximité, je pense dans mon cas que il est à quelle distance le truc? Eh ben ça, c'est un peu difficile à savoir. Vous avez pas de visuel en fait sur nous. Ok, la fusée, elle a fini d'éclairer au loin. En fait, vous êtes au niveau où ça a tiré, mais il a pas tiré une deuxième fusée et la rame continue à avancer en fait. C'était combien de temps à peu près? Il y a le temps de cet échange où vraiment vous avez couru 3-4 minutes peut-être. Ah oui, quand même, oui. Il est rapide l'engin? Alors rapide, comparé à des gens à pied, oui. Vous l'avez déjà utilisé, d'ailleurs vous l'avez même utilisé en session. Oui, c'est vrai. Oui. Mais c'est pas comme un TGV chez nous dans notre monde à nous. J'aime pas trop faire des parallèles comme ça, mais pour te dire, voilà, c'est rapide pour le monde des crimes. Mais par exemple, une voiture est plus rapide, hein, parce que ça existe ces voitures dans les crimes, juste pas à Venise. Du coup, voilà, une voiture, ça serait plus rapide. Ok, dans ce cas, je pense que je vais courir. Et si jamais je croise en effet un véhicule ou quelqu'un avec un véhicule sur le chemin, quel qu'il soit, donc sans doute des vélos, je pense que je vais les réquisitionner. Et si le mec a pas l'air de comprendre ou autre, je pense que je vais même lui prendre de force, quitte à lui foutre un pain dans la gueule. Ok. Vous... Moi je continue à crier « Ministère de la propagande, tirez une fusée !» Et vraiment, ouais, je cours à toute vitesse en direction, en partant... Tous les trois, vous courez, vous essayez. Et effectivement, au bout d'un moment, vous tombez sur une personne qui a un vélo, il y en a un qui en prend un, vous tombez sur un deuxième, enfin pas immédiatement d'après, mais voilà. Vous arrivez au bout d'un moment et tous les trois sur vélo, et à remonter les rails aussi rapidement que vous pouvez. Je vais demander à chacun un test d'athlétisme et donnez-moi le résultat quand je reviens à vous, parce que là, je retourne sur Victor. Victor, tu es... sous les prises, il vient te donner un coup. Dis-moi exactement ce que tu fais, là tout de suite maintenant, sinon il reprend l'offensive. Est-ce que j'ai un visuel rapidement sur Clint? Clint, tu le vois, effectivement, il a juste été projeté au sol, il a l'air pour l'instant d'aller plutôt bien, il est tout pâle, un peu choqué de ce qui se passe, mais il n'est pas encore... Je vais essayer de me rapprocher le plus rapidement possible de Clint. Ok, tu te rapproches de Clint. En fait, je vais te dire pourquoi. Tout simplement parce que je... Alors, si quelqu'un peut éviter de tourner les pages en même temps. donc, je vais essayer de me rapprocher le plus rapidement possible de lui pour prendre sa fusée éclairante, là. Et en fait, je veux littéralement tirer la fusée sur Il Procimento. Ok, alors sachant que c'est un truc qu'il faut allumer avec du feu, donc ça prend du temps. Oui, mais bon, après, voilà, j'essaie de tout mettre, voilà, quoi. Je te demande, du coup, de me faire un jet. D'abord d'athlétisme, un simple jet pour voir si tu arrives à te diriger avant qu'il reprenne l'assaut sur toi. Ouf, là, ça me met 7. Ok, malheureusement, il est plus rapide que toi. Tu commences à te relever, enfin pas à te relever, tu n'étais pas au sol, mais tu commences en fait à te diriger vers Clint. Ouais, il me sert quoi. Il te demande du coup de me refaire un petit duel de confrontation, il arrive vers toi. Alors, est-ce que je peux, au lieu d'utiliser Scream, plus me diriger vers le pugilat, limite au lieu de vouloir aller au combat avec Scream. Tu es désarmé, donc là tu es en pugilat. Ok. Oui. Ok. Donc là, en pugilat, ça me fait 13. 13 et. 13 en accomplissement. Donc tu tentes en attaque. 13 en attaque et j'avais 6, 7, 8 en défense. Ok. Il faut que je fasse des calculs là. Je me suis encore perdu. Ouais. Tu m'as dit combien en défense? 8. 8. Ok, tu le vois arriver vers toi et il est beaucoup trop rapide et surtout maîtrise beaucoup trop bien la lame. Il semblerait qu'il soit pas mal à l'escrime. Et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles il a actuellement une lame d'escrime sur lui et pas un pistolet. Et du coup, voilà, il te fonce dessus et plante littéralement, du coup, sa lame dans ton flanc et ça va te retirer combien de points de santé, je te dis ça. Parce que du coup, si on compte la marge positive, c'est limité par sa compétence, ça fait... Ok. Je regarde, je ne suis pas encore habitué à gérer la santé de cette manière. C'est pas grave, je gère. Très bien. Ça te transperce pas littéralement, mais ça passe quand même dans ton flanc. Tu perds du coup 6 points de vie. Donc, au niveau des impacts physiques, hein, tu es maintenant au niveau léger. Donc, tu auras des. Non, tu n'as pas encore de malus, mais voilà, je commence à rentrer dans. Quoi ? Non, faut que je regarde un truc sur la pack. Vas-y, je profite du fait que il m'est transpercé, enfin il m'a eu, donc du coup j'ai l'épée en moi, enfin j'ai le sabre en moi, ok ? Donc techniquement, ouais. Je peux l'attraper physiquement avec mes mains, vu qu'il m'a implanté. Non. Ça, la distance, sa distance a dû forcément dû se rapprocher de moi, et donc si j'étends les bras, je peux le toucher, je peux l'attraper physiquement. Dans l'idée, sauf que il te fait quand même des dégâts, donc je vais essayer, mais ça te prendra un gros malus, sache-le. Bah, de toute façon, après, j'ai pas 36 000 trucs. Plus le temps va passer, et moins je vais avoir de chance. Donc il faut se faire quoi là ? Plus j'y là, t'es toujours en combat. Tu m'as dit qu'on pouvait utiliser à n'importe quel moment des points d'expérience. Ouais, pour augmenter de 2. Ok, alors je vais augmenter de 2. Du coup, pour mon pugilat, pour passer à 14. Oh, pas mal. Pour mon pugilat, donc si j'arrive à la grippe, direct je gueule sur Clint pour qu'il vienne m'aider à choper. Et vu sa carrure, sa musculature, le mec, si on est deux sur lui, c'est pas un robot. Ah, t'en sais rien que c'est pas un robot, je sais. Ouais, bah merde, voilà. On a Arnold Schwarzenegger avec nous quand même. Techniquement, je pense qu'il a les moyens quand même de m'aider. Le Stallone. Ah, attends, excuse-moi, parce que là j'ai un gros souci de compréhension. Mais ok. Tu as fait 14 du coup ? 14, oui. Il a pas fait un jet fou. Je m'excuse pour ce petit silence. Et d'ailleurs, avant de résoudre à ce moment-là, je vais passer du coup à mes amis qui avaient fait du coup leur jet de athlétisme pour essayer de rattraper. Et je vais voir. Attends, pourquoi il y a des zéros ? T'as fait zéro, Esther ? Qu'est-ce qui se passe ? Non, c'était sa compétence. C'est ma compétence. J'étais en mode je comprenais rien, j'étais en mode qu'est-ce qui se passe. Très bien, donc ça fait 11, deuxième point d'expérience dépensé, 13, et Cornilov 10, ok. Pas mal, donc il faut que je calcule les marges, excusez-moi. Ok, donc vous mettez vraiment à courir de manière, à véloter de manière très intensive, et... Effectivement, comme le dit actuellement sur le chat votre ami Victor Comti, c'est chaud. Vous êtes rapide, mais il va vous falloir un peu plus de temps que ça pour attraper un ram qui est en pleine vitesse. Et voilà, vous mettez tout ce que vous avez dedans. Mais c'est pas une montée en plus ? Et oui, ça monte. Pour l'instant, vous n'êtes pas sur la grosse partie de la montée. Par contre, attention, parce que le jour où ça monte vraiment, je vous conseille le jour, de rattraper un ram. Ouais. Le jour, j'avoue. Bon, quoi qu'il en soit, voilà, vous êtes vraiment derrière, vous êtes vraiment en intensif. Je vous demande de faire du coup un deuxième jet d'athlétisme que je vais faire. 10. D'accord. Je viens de comprendre. J'aimerais profiter, si possible, d'une partie un peu plus, entre guillemets, stable que les autres, pour, quitte à rouler à côté pendant un temps, sur la surface plate plutôt que sur les rails, pour... on pédale souvent, donc j'imagine que c'est quelque chose que je sais faire, tu me diras. Pédaler sans les mains et recharger mon pistolet rapidement. C'est deux trucs, a priori, que je fais assez régulièrement. Je vais quand même te demander un petit jeu, juste parce que l'action, le mieux, parce que tu vas prendre de la poudre, la verser dans un premier compartiment. Ensuite, tu dois le verser dans le... Enfin, fermer le compartiment, verser le truc, prendre le tir. Enfin, c'est... Du coup, je fais un test de tir. Oui, totalement. Ok. C'est bien ça que ça marche, les connaissances dans les films, il me semble. C'est exactement comme... En fait, les compétences, en fait, c'est d'abord une connaissance théorique, puis pratique. Donc, en fait, les compétences visent tout. Et du coup, n'oublie pas que tu as ton bonus de plus 2 parce que tu es spécialisé en armes, en pistolet. Alors, je dirais même que... Ouf. Et que tu es habile. 10 avec mes dés. Je rajoute 5 avec tir, ça fait 15. Je rajoute 2 pour pistolet, ça fait 17. Ouais. Et je rajoute 1 pour... est habile de ses mains. À mon avis, ça rentre en compte. Ouais, ouais, totalement. Du coup, ça fait... Attends, j'ai dit 15... 18. 18, et sachant que tu as combien en tir? 5? Ouais. Ok, donc la mâche peut pas dépasser le tir, c'est pour ça. Du coup, tu arrives en fait vraiment bien. Pour le coup, ça va, tu gères la chose, t'es habitué à charger les armes, tu te concentres, tu respires, et tu te concentres vraiment sur le fait de charger ton arme et rester sur une surface plate, quitte à prendre un peu de retard sur le coup, et après rattraper tes amis. Quoi qu'il en soit, Victor... voilà. Ce qui est sûr, c'est que tu t'es pris un impact léger, donc ça commence déjà à faire un peu mal. Et ensuite, tu avais fait combien du coup dans ta compétence? 14. 14, ok. Je vais voir, du coup, ça dépend. Je crois que j'avais déjà fait le jeu, ok. Tu arrives à attraper la lame, effectivement. Malheureusement, c'est pas contre tous incidents. Bah, tu... En fait, c'est pas la lame que je voulais attraper, c'est lui. Pardon, non, non, mais en fait, comme il m'a transpercé, il est plus atteignable que la lame. Je vais pas me couper les doigts. C'est lui qui s'attrape. Mais du coup, tu arrives à l'attraper. Et dis-moi ce que tu fais. Ah ben moi, je crie sur Clint. Je vais dire, venez, mêlez-les. Il faut le mettre à terre. Il faut le boucher. Donc maintenant, je l'ai, je le maintiens autant le plus de temps que je peux. En attendant que Clint vienne et le maintienne avec moi, quoi. Alors, avec la puissance qu'il a, la force qu'il a, j'espère bien qu'il va m'aider, quoi. Attends, c'est pas un Pelos lambda, quand même. C'est un beau bébé. Et oui. Et du coup, tu arrives, Clint, il est quand même perdu. Il est très, très sonné. Et tu vois qu'il met vraiment beaucoup de temps à réagir. Et pendant ce temps-là... Oh, et du coup, c'est quoi, c'est... Viens, viens, Clint. Allez, viens. Reprends ton tes esprits. Allez, petit. J'ai besoin de toi. Tu vois qu'il lutte vraiment très fort, en fait, entre tes bras. Mais à une... Enfin, comme s'il convulsait, quoi. Il est vraiment en train de lutter de tout son corps. Et voilà, t'essaies de le maintenir, etc. Parce que t'arrives plutôt bien avec 14, t'as bien réussi. Ouais. Clint, pour l'instant, n'arrive vraiment pas à se réveiller. Il est vraiment sonné de ce qui s'est passé. Et en fait, au bout d'un moment, on va passer à tes amis qui sont en train d'avancer. Est-ce que j'ai eu les résultats de vos jets? Oui. 18. Dites-moi. Et avant, c'est vrai, ça. Pour moi. Ouais, l'athlétisme, là, juste pour le coup. L'athlétisme, 13. 10. Carnilov. 12. Merci. Très bien. Vous continuez à pédaler. Il faut que je calcule les marges rapidement. Tac, tac, tac. Ok. Ouh, il était bien ce jet. Ok, parfait. Vous commencez à entendre le bruit du rame. Vous ne le voyez pas, malheureusement, parce que, bah, il y a le brouillard, mais vous entendez le bruit du rame. C'est le moment de ne pas lâcher, de faire le dernier jet d'athlétisme, sauf si vous... Allez les gars, Victor. Victor, tu es là, en train de maintenir, il convulse littéralement entre tes bras. Ouais. Et d'un seul coup, tu l'entends hurler. Et en fait, tes... Comment te décrire ça? Tes mains ont vraiment une sensation de... T'as du mal, en fait, à rester accroché à ces... À lui, tout simplement. À lui, ouais. Comme ça. Tes mains, en fait, perdent toute puissance. Vraiment, c'est... Il convulse trop, tu vois, il y a vraiment cet effet. Ouais, ouais. Ça commence vraiment compliqué à attraper. Tes mains finissent par lâcher. Et il y a un hurlement, en fait, qui te paraît très, très fort, par contre, qui vient de Il Procedimento, un hurlement assez particulier, assez aigu. Tu sens que sa voix, par contre, est très altérée. Il y a visiblement un effet qui est fait pour pas qu'on reconnaisse sa voix. Ouais. Et. Ok, je vais te demander de me faire 2d6 pour la présentation. Cornilove, c'est le nouveau jet, je crois. Ouais, 14. Ouais, ok. Mais, tout simplement, vous continuez d'avancer, je calcule rapidement vos... Alors, j'ai fait 9. 12. Ok. Donc, vous êtes en train d'avancer et vous arrivez enfin au niveau du rame. Vous le voyez, vous êtes à moins de 2 pas de lui. Sauf qu'il est en pleine accélération, il va falloir réussir à intervenir ou pas dedans. Dites-moi ce que vous faites. C'est quoi là votre plan? Vous êtes en visuel du RAM. Le RAM, est-ce que il y a entre guillemets des sorties possibles en genre est-ce qu'il y a autour du RAM, c'est dégagé ou c'est genre des bâtiments très collés où on pourrait sauter du RAM sur l'un d'entre eux? Rue dégagée. Ça dépend en fait vraiment de la construction. Des fois, tu passes de grandes rues dégagées à des trucs plus fermés. Là, actuellement, on est sur quelque chose d'assez dégagé. Ok, je pense que je vais m'accrocher dans un premier temps à la rame. Comme ça, j'ai plus besoin de pédaler. J'avance avec sa vitesse à elle. Et je vais commencer à laisser les autres monter dedans ou les aider à monter dedans si jamais je suis arrivé avant eux. Mais je crois pas parce que j'ai fait au moins manger. Je sais pas si c'est clair. Je pense que c'est clair. En gros, pour l'instant, je reste en retrait et je laisse les autres en priorité rentrer à l'intérieur. Mm-hmm. Et bon, après, pour la suite, j'imagine que tu me laisseras le temps de faire autre chose. Oui. En gros, je surveille, je... Voilà. Les autres hein. Voyons ce que Esther a l'air de vouloir faire. Je vais suivre son impulsion pour faire comme elle l'entend. Oh, ok, dans ce cas-là, au moment où Cornilove... Ouais, je sais pas si c'est possible. Mais j'allais dire, dans ce cas-là, dis-moi. Cornilove passe, peut-être que je lui passe mon pistolet. Et en fait, j'aimerais lui passer le mien et récupérer le sien. Mais je sais pas si je peux. Récupérer quoi? J'ai juste pas entendu ça. Son arme à feu et lui passer la mienne. Mais je pense que c'est peut-être trop compliqué comme... Il a pas l'arme à feu, je crois. Si, t'as une arme à feu, toi? Attends, t'as pas d'arme à feu? Si. J'en ai une, mais elle n'est pas sorcier. Et en mode, elle n'est pas sorcier, oui. Genre, elle est à ta ceinture, ou elle est... Elle est sûrement à ma ceinture, oui, ou... Ouais. Alors, c'est faisable, je vais demander tous les deux un jet d'athlétisme. Ouais. Parce que, effectivement, le fait de lui donner une arme chargée, c'est quand même plus utile que l'inverse. Ok, et toi, moi, je reste en retrait avec l'autre arme, que je peux charger également. Oui. Oui, excuse-moi, vas-y, je t'écoute. Ouais. Donc, et toi, Hugo, désolé, mais je sais que Cornilov s'est très très bien tiré aussi, donc je... Yes, 11. Un naturel 11. Après. Dis-moi, Hugo. Vas-y. Oui, donc moi, je veux taper un sprint, et alors, en gros, est-ce que ce tram, comment ça se passe? Il y a des marches derrière, devant, enfin, tu vois ce que je veux dire pour... Non. C'est vraiment une cabine plate, en fait, avec des fenêtres. Ouais, c'est comme ça, oui. Mais alors, attends, je comprends pas. Alors, il y a une porte ouverte? Il y a quelque chose? La porte est fermée. Il y a une porte, il y a une fenêtre brisée à l'arrière. Sinon, la porte est fermée. Ok, alors, est-ce que c'est potentiellement réalisable du coup de se jeter à travers la fenêtre? c'est totalement réalisable. C'est risqué. Pas, voilà, c'est risqué. Mais en termes de réalisable, ça l'est. Voilà, d'essayer de s'accrocher à la fenêtre à mes risques et péril pour mes mains, et... Enfin... Ok. Non, si possible, si j'ai compris ce qu'il essaie de faire, pareil, vu que je suis en retrait, je peux peut-être tenter d'éliminer le verre qui serait resté, les gros morceaux sur lesquels il pourrait s'embrocher. Et c'est bon. Tu t'occupes déjà de Cornilove. D'accord, ça se passe vraiment en même temps? Ok. À part si vous attendez vraiment, mais pendant ce temps-là, du coup... En fait, j'arrive pas trop à savoir à quel point on pourrait faire ça en même temps, à quel point il faudrait peut-être qu'on fasse ça, entre guillemets, à tour de rôle, en mode, il y en a un qui monte, puis l'autre. Je jette à travers la fenêtre. Il n'y a pas d'indication spéciale à ça. C'est à vous de voir ce que vous préférez. Il y a pas de... Je prends un sprint et j'essaye de me pousser un moment sur mes pédales. Je me lève debout et j'essaye de passer à travers la fenêtre. Eh bien, le même jet que d'habitude, un jet d'athlétisme. Victor, il y a eu ce cri transperçant du procedimento et... Je t'avais demandé un jet. Pardon, 9. Ok. Clairement, il est pas content. Il faut que je calcule les marches, putain. Ok. Et récupère en fait sa lame, parce que tu te l'as juste mis au sol, il a convulsé, donc sa lame est à quelques centimètres. Et ouais. Te la plante, cette fois transperce, je suis désolé, totalement au niveau du ventre. T'as une douleur horrible, hein. Tu subis ton premier dégât grave. Mmh. Donc toutes tes actions auront maintenant un malus de 2. Et par contre, il le plante vraiment en un coup. Tu vois, c'est vraiment un coup d'escrime. C'est, tu rentres, tu sors la lame, il le. Ouais, je peux pas la saisir, rien du tout. Ouais. T'as une douleur horrible vraiment qui te prend le ventre. Et en même temps, je demande du coup le résultat de Hugo. Eh bien, c'est un magnifique 15. Quand même. Franchement, c'est pas mal. Il a fait ça toute sa vie. Si, il passe au travers. Voilà, je n'avais pas dit ce que j'ai appris pendant ma formation secrète. C'est comme ça qu'il est arrivé sur scène. Tu arrives à traverser, par chance, avec seulement 2 dégâts superficiels. Tu arrives vraiment à ce que le verre t'effleure à peine et que tu te enfonces pas dedans. Donc tu sautes vraiment dans la cabine et au moment où tu rentres, tu vois Victor tout simplement, vraiment se recroviller sur lui de douleur. Et je te laisse une action avec du sang qui dégoule de mes mains à l'endroit où j'ai la blessure. T'as le droit à une action tout de suite là maintenant. Désolé mon micro, tu vous prie. Je dégaine ma canne épée et je fonce sur il Prodisimento et j'essaie de l'approcher par derrière. Ok, 4D6 s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a? Je fais un G2. 4D6, c'est tout de suite. T'es 4D6. J'ai pas entendu, désolé. Hop, attendez, hop. 4, oui c'est bon. Défense et attaque, c'est ça? Ouais, accomplissement, préservation, exactement. Accomplissement des. Et alors, du coup, juste. Je suis désolé de faire un point règle maintenant, mais ouais, pour l'XP, comment ça marche si je dépense un point d'XP? C'est soit l'un, soit l'autre? Si tu dépenses un point d'XP, effectivement, c'est que soit l'un, soit l'autre. Ok. Alors, j'ai fait 10 en attaque et je vais dépenser un point d'XP pour. Pas attaque, mais. Accomplissement, c'est pas. D'accord. Accomplissement, j'ai fait 10 en accomplissement et l'autre, c'est. Ouais. Préservation. Préservation. J'ai fait 4, donc je dépense 1 point d'XP pour faire 6. Ok. Donc 10 en accomplissement, 6 en préservation. Ouais, attends, est-ce que c'est définitif? Là, ce que j'ai dit? C'est mort? Je peux pas revenir dessus? Ok, pardon. Tu y vas, en même temps c'est un peu logique, tu y vas pour être plus offensif que défensif, tu veux l'avoir de travers. Et honnêtement, ça passe de très très peu, tu vois que... ta lame va pour le toucher et qu'il arrive en fait avec un réflexe surhumain tout simplement de faire un moulinet pour contrer ta lame, sauf que contrairement à Victor tout à l'heure, il n'y a pas l'un qui prend le dessus, tu vois qu'il a juste réussi à arrêter la lame, mais tu sens dans son mouvement que là c'était pas de la maîtrise, c'était de la panique qui est rentrée en jeu. Il a vraiment failli se faire avoir par ton attaque. Et il va contre-attaquer immédiatement. Je demande du coup, Kornilov, Esther, où est-ce que vous en êtes, vos résultats pour vous échanger vos armes? 12. Ok, Esther. Pardon? J'ai. Le résultat d'athlétisme pour échanger les armes. Ah, 11, 11 aussi. Ok. Très bien, donc du coup, vous arrivez globalement très difficilement... Et je vais être honnête, une des deux armes va tomber au sol. Oh merde. Laquelle ? C'est celle de Kornilov, par chance. Donc, Kornilov, bon, ton arme tombe au sol, par contre, tu récupères celle d'Esther qui est chargée et prête à tirer, ce qui est quand même un gros avantage là tout de suite maintenant. Et dis-moi ce que tu fais là tout de suite. Vas-y, mon poulain. Eh bien, je vais me propulser du mieux que je peux, depuis mon vélo, pour arriver à la cabine aussi, avec l'arme à la main, et m'agrippant avec l'autre. Quoi. Et du coup, je le suis pour... j'imagine que le pistolet est rattrapable. Hugo, dis-moi immédiatement, s'il te plaît, 4d6, tu fais pareil, accomplissement, préservation. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Mon dieu. Je l'ai fait 3, 6 et 1, 5. C'est pas possible. Ah bah. Dis-moi. Alors, je vais réessayer de lui faire un coup de stock. Et je vais mettre, du coup, allez, je vais mettre 12 en attaque, en... En accomplissement. Et je vais mettre, du coup, je vais dépenser un point d'expérience aussi. Donc ça fait, alors j'ai dépensé 3 points d'expérience, donc du coup ça fait 14 en espérance, en... C'est ça ? En préservation. En préservation, mais pardon, ouais. Et 11 en défense. Ok. Eh bien, tu vas pour riposter, mais en fait c'est lui qui a clairement l'offensive, et il arrive, alors là du coup il faut que je compte les marges... Si c'est un dégât grave, c'est ça. Malheureusement, c'est lui qui a vraiment l'offensive sur toi. Et il arrive à pareil passer à travers ta défense et à planter sa lame tout simplement au niveau de ton corps. Hein. Pareil, une douleur, tu as ta première blessure grave. Pour faire simple. Victor, est-ce que tu es là ? Oui, je suis là. Ok. Tu as une énorme douleur. Je t'autorise une action malheureusement limitée. Tu ne pourras pas faire n'importe quoi. Mais tu peux faire une action, dis-moi quoi. Là, il s'occupe de moi ou pas ? Ou il est concentré sur... Non, sur... ils sont en train de se battre sur... Ok, bah, je me rapproche de Clint. Et pire que ça, tu vois ton ami qui vient de se rendre le même coup que tu t'es pris il y a quelques secondes. Ok, je me rapproche de Clint. Je prends... sa fusée et je vais le tout pour le tout et lui balancer enfin lui tirer la fusée en dans sa direction quoi. Ok, profiter en fait du fait qu'il soit pas concentré sur moi. Je vais te demander du coup un jet pareil d'athlétisme pour voir si t'arrives à atteindre Clint à temps. Tu as fait combien dans ton résultat, mon cher Kornilov? Tu m'avais dit 11. D'accord. Du coup, est-ce que là je peux réutiliser un XP ou pas du tout? Ou c'est juste une fois par session? Non, tu peux si tu veux. Ah bah je vais refaire. Pour ce soir, c'est autorisé. Ok. Du coup, ça va me faire. 11. En athlétisme. Ok. Malheureusement, je suis désolé, vu ton malus, ce n'est pas assez. Malheureusement. Mais vu qu'il s'occupe pas de moi, là, il est avec... Ah oui, le problème, là, c'est pas lui, c'est toi. D'accord. C'est beaucoup trop douloureux, et ta blessure grave t'impacte trop, parce que là, pour le coup, c'est vraiment le malus qui t'a touché. D'accord, ok. Okay. Donc voilà, malheureusement ça t'impacte trop et il aurait fallu que tu fasses plus. Donc j'avance mais trop lentement en fait ça. Mal. C'est j'avance c'est ça. Mais lentement. Donc, pour l'instant, voilà, tu n'arrives pas à atteindre Clint immédiatement. D'accord. Notre cher Kornilov passe du coup aussi par la fenêtre et au même moment, fais-moi encore s'il te plaît cette fois. Juste 2d6, s'il te plaît, notre ami Hugo, parce que. Ah, une question que de préservation. Désolé. Je dois dire non avant. C'est un jet ? Ouais. De quoi ? C'est un jet au choix soit d'athlétisme, soit de pugilat. Athlétisme. Et bien du coup, ça fait 12 pour tout. Ok. Parfait. Malheureusement, avec la douleur, encore une fois, je suis désolé, il arrive à voir le dessus. Et en fait, te chope le au niveau du torse, au niveau des vêtements. Et en fait, au moment où Kornilov, hein, tu sautes pour atteindre l'intérieur, hein, bah lui, en fait, en train de vouloir rejeter Hugo par la fenêtre. Ce qui fait que, du coup, il y a une microseconde de flottement. Kornilov, tu peux agir là, tout de suite, maintenant. C'est-à-dire que comment, là, actuellement ? Je suis humain et je suis en train de me lever à l'intérieur Tu viens de passer vraiment à l'intérieur, donc tu... Elle est en train de te relever. Il a deux pas de toi, moins d'ailleurs, un poids vraiment, puisqu'il est... Il se dirigeait vers la fenêtre. Ok, eh ben, je vais faire de mon mieux pour donner un coup dans Hugo, pas avec le flingue, hein. Un coup dans Hugo, tu sais, pour le décaler sur le côté violemment, pour que ni moi ni lui ne tombons par la fenêtre. Ok. Juste de D6, ça ira du coup. Pour un jet de. 12. Pugilat. Ah, pour Pugilat, 12, 13, 14. Bien. Du coup, tu arrives à mettre un coup à Hugo, ce qui le fait décaler un peu de sa trajectoire. Rip les côtes, mais bon, ça fait au moins un peu moins mal. 14, ouais. On va dire que c'est un dégât léger, donc ça va. Et du coup, c'est autour du procedimento. Vous l'entendez, d'ailleurs, ces derniers instants. Ouf, pas de chance. De faire des bruits assez forts, de comme un recrachat, comme limite un mini vomissement qui est en train de surgir, quoi. Comment on appelle ça ? Régurgiter ? Oui, régurgiter. Enfin bref, vous avez compris le mot que je veux utiliser. Bref, il est en train de commencer à faire ce genre de bruit alors qu'il était en lutte avec Hugo. Et... un jet, excusez-moi, il faut que je regarde le résultat. Donc ça fait 6. Oh, c'est pas mal. Okay. Et fraction d'une seconde, votre vue s'abaisse. Vous êtes totalement octroyé à cause du stress, à cause de peut-être la blessure pour Hugo et. Peut-être une chance de te dire que tu es en train de mourir, tu ne sais pas trop, ta vue s'abaisse et vous ne voyez quasiment rien. Et le peu que vous voyez, c'est vraiment la brume qui est très dense au milieu de cette cabine. Esther, maintenant que tout le monde est rentré, qu'est-ce que tu fais ? Alors moi, au moment où le pistolet est tombé, finalement, je m'arrête pour le ramasser vu que j'étais toujours sur le vélo. Okay. Donc, je repars juste derrière pour remonter à travers. Un petit jet d'athlétisme pour rattraper le wagon de Bernard. Parfait. Kornilov, ta vue est affaissée. T'as vraiment du mal à voir. En fait, c'est comme si tu voyais en très très basse luminosité avec un contraste très très fort. Tu vois, genre, il y a vraiment juste des ombres. Ok. Qu'est-ce que tu fais ? Eh ben, je vais essayer de tirer dans cette direction de plus de mémoire, du coup, que de vue. Ouais. Et je vais, si j'ai bien compris comment marche un dépassement, mettre 3 de mes 4 points de tir dedans. Pas mal. Très bien. Je vais te demander du coup de lancer 4d6, sachant que là, pour le coup, ça globalise les deux valeurs. Ton dépassement de soi. Donc 12, 13, 14, 15, 16. Attends. Je suis perdu avec les histoires de dépassement, ouais. C'est la première fois que je le fais. Tu rajoutes plus 3 à la fin de ton calcul. Donc t'as des deux poules, tu vas avoir un résultat genre 10 et 9, et tu fais plus 3. Ok. Ok, donc ça me fait 20 en attaque, 16 en défense. C'est très puissant. Tu tires en ne te basant pas sur la vue, qui est un sens majeur, mais sur l'ouïe et sur le souvenir, ce qui est quand même assez exceptionnel. Tu tires, et au bout de quelques millisecondes, mais qui te paraissent être vraiment s'étirer comme un instant, sachant que c'est ton seul tir que tu peux avoir, parce que tu sais que là, au corps à corps, tu n'auras jamais le temps de recharger l'arme une seconde fois. Tu entends un cri de... J'ai oublié comment on appelle ça, d'agonie, tout simplement, de douleur en tout cas. Et il va essayer d'agir du coup rapidement. Esther, dis-moi, c'était quoi le résultat de ton jet ? J'ai fait 7. Ok, c'est malheureusement très faible comme résultat. Tu essayes de rattraper malheureusement le fait d'avoir arrêté ta course et reprendre. Pour ta respiration, etc. C'est très dur, en fait. Hein. Vraiment, tu viens de faire une pause, reprendre, et t'es essoufflé. Donc, tu donnes quand même tout ce que t'as, mais malheureusement, tu sens que t'es un peu moins efficace. Et même si tu te fais pas distancer, tu as beaucoup de mal à rattraper vraiment le rame. Et je vous demandais, du coup, de refaire un jet pour essayer de l'avoir. Ouais, et je pense que je refais la même technique que tout à l'heure, de vu qu'il me reste encore une balle, de charger le pistolet, tandis que j'en rame tout. 9, cette fois-ci. Que je vais peut-être passer à 11 du coup en dépensant encore un point d'expérience. Le quatrième, c'était sûr. Vous entendez des bruits, parce que malheureusement votre vue ne vous indique plus grand chose. Victor, Hugo, Tony Love, tout ce que vous entendez c'est des bruits. Victor, tu arrives enfin à ton ami Clint. Et. Tout ce que tu sens, c'est derrière toi une masse se diriger. Et... Esther, alors que tu es en train de rouler, enfin de pédaler au maximum, tu vois une énorme masse se jeter de la rame et... atterrir au sol à quelques mètres plus loin, hein, rouler, etc. Donc il y a vraiment un choc super violent. Et simplement. Oui. Je reconnais qui c'est, mais j'ai l'impression que tu allais me le dire du coup. Eh bien, oui, tu imagines qui c'est, vu que c'est une personne en tenue mordorée, portant une tenue intégrale et un masque. Ok. Tu es. Je me précipite dessus avec mon vélo. Et alors que tu es en train de conduire, je vais demander de faire un jet. Un jet qui d'habitude n'existe pas, donc, encore une fois. Mais un jet de maraude. Ça existe du coup, non ? Oui, non, mais maraude existe. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est une application assez rare de maraude. D'accord, ok. Je vais faire un dépassement de toi. De 2. Ok. Il faut que c'est le dernier scénario. Ok, ça me fait 8 plus 2, plus 2 du coup, ça me fait 12. Ouais. Ok. Tu peux voir au loin un éclat métallique voler après l'impact sur le sol du corps du procedimento. Quoi qu'il en soit, tu vas conduire. Est-ce que du coup tu as toujours le rame en vue ou est-ce que tu as il procedimento en vue? Voilà, du coup, je pense que j'ai plutôt eu le procedimento. Mais en mode, quand tu me dis qu'il a taillé, on est d'accord qu'il a l'air de s'être cassé la gueule. Genre là, il doit être défoncé, il doit avoir mal partout, non ? Oui, c'est ce que je t'ai dit. C'est un impact au sol. D'ailleurs, il y a même des morceaux métalliques qui sont en train de voler. C'est un impact violent. C'est-à-dire que t'as le rame qui est en train de conduire et une personne qui saute du rame. Hein. Attends, tu peux répéter ? Excuse-moi, ça a coupé. Oui, c'est un impact violent, pour faire très court. D'accord. Je pense quand même que je vais me ruer sur lui. Je sais pas ce qui s'est passé. Non, j'ai pas entendu de coup de feu, du coup, si. Si, pour le coup. Un coup de feu, ça s'entend quand même. Oui, c'est vrai, si. Ouais, bah, j'avoue que je me dirige quand même sur lui. Ok. Tu vas te diriger sur lui, et je vais te demander, du coup, l'ultime jet. Mais cette fois, en... Je peux pas le laisser nous échapper. Un jet, de d'athlétisme. Pas confrontation, okay. Mais juste avec deux dessins. Oh putain, j'ai fait. Oh. J'ai le droit de dépenser plusieurs fois des points d'XP pour gagner plus de. Non, ça ne se cumule pas. Je le fais qu'une fois, donc je passe de 6 à 8. Et j'ai encore moins XP. J'ai fait un jet horrible. Tu... Après, techniquement, je pense en être collé à lui pour lui tirer une balle entre les deux yeux. Mais... C'est vrai. Mais malheureusement, en fait, ce que je voulais dire, c'est que juste à t'approcher de lui, enfin, le temps de t'approcher de lui, il se relève déjà, titube quelques secondes, et se met à courir, en fait, tout simplement pour s'effacer dans une petite ruelle. Je le tire dessus. Et très bien, fais-moi un jet de tir, sachant qu'il y aura un malus vu que ton athlétisme n'a pas permis de t'approcher suffisamment. Par contre, il est vénère quand même, il a sauté du truc, il s'est éclaté par terre et. Bon, allez. Et il s'est fait corniquer. Bah, du coup, je pense que je vais faire un dépassement de soi de 5. Allez, putain, j'y crois. Oh putain, c'est de la merde, j'ai fait double 3. Mais bon, normalement, je vais quand même monter. Double 3, ça fait 6 plus 5, 11 plus 5, 16 plus 2, 18 plus 1, 19. Je redépense un point d'XP et je passe à 21. Si tu veux. Et j'essaie de tirer à un endroit bien, comment dire, craignose. Enfin, je sais pas, genre, je sais pas, dans la nuque ou un truc comme ça, genre... Sachant que il y a un malus pour ces deux éléments, le fait que tu n'as pas réussi à atteindre et la visée, et ne sois pas surpris de la réponse. Je rappelle que les marches sont limitées par la compétence, ce qui ne permet pas forcément de faire tout ce qu'on veut, sauf si on se spécialise, encore une fois, c'est l'art du truc. Tu tires. Après avoir chargé, etc. Et ton tir touche, effectivement. Malheureusement, pas une zone vitale. Hein. Et avant de finir cette scène, je repasse à l'intérieur. Hein. Et à l'intérieur, il y a déjà deux gravement blessés. Mais il y a Kornilov et Kornilov. La brume est toujours là, ta vue est toujours pas optimale, au contraire. Elle est pas du tout revenue, d'ailleurs. Tu vois toujours très très flou, très très foncé, juste des ombres. Dis-moi ce que tu fais, sachant que, désolé pour les deux autres, mais je considère que vous êtes un peu hors jeu à cause de la blessure grave, hein, vous risquez de l'aggraver trop fortement. Bah, j'imagine que j'essaie de tapoter pour arriver à un de mes amis et peut-être voir si je peux faire quelque chose pour lui ou pas. Ou au moins essayer de bloquer le sang, je sais pas, quelque chose. Parce que j'ai rien d'autre à faire, je peux pas sauter du véhicule pour repartir encore. Ok, tu essayes de tâter et tu trouves rapidement des corps parce que la cabine n'est pas si grande que ça, et donc il y a effectivement Clint accompagné immédiatement par notre ami qui a utilisé beaucoup de temps pour ramper Victor. Donc tu peux toucher et vous pouvez discuter, vous pouvez échanger pour le coup, la parole n'a pas de soucis. Déjà, j'imagine que j'ai porté mes mains à sa blessure. Enfin, je vois qu'il a une blessure vu qu'elle doit saigner à fond, hein, vu le temps. Et j'ai posé mes mains sur la blessure pour essayer de comprimer. Je sais pas si ça se fait pour une arme à feu ou un truc comme ça, mais enfin pour une arme blanche, ouais. Mais bon. En tout cas, je fais ça et je vais juste dire à Victor, je l'ai flingué cet enfoiré, je l'ai flingué, il est mort. Esther, hein. ce que tu as vu, c'est que tu l'as touché, et au moment en fait où il rentrait dans la ruelle, il s'est effondré. Ok, je le poursuis. Ah bon. Non, mais il n'y a pas de souci, c'est tout à fait normal. Hein. Tu ne peux pas savoir tout ce qui se passe en même temps, donc c'est logique. Mais malheureusement, il y a une initiative qui vient d'ailleurs. Hein. Ok. Attendez, il faut que je calcule les marges encore, je suis désolé. Okay. C'est moi, le véritable prodigimento. Esther, tu es épris d'un véritable doute en avançant. Tu te demandes si c'est pas une... comment dire, une... il a utilisé le mot tout à l'heure. Merci, une feinte, une diversion. Mais c'est quand je dis que c'est pas genre juste une pensée, c'est vraiment c'est quelque chose qui te tétanise, tu vois. C'est une pensée intense qui te vient d'un coup. Et alors que t'arrives, en fait, enfin, t'es en train d'avancer, t'es pas au niveau de la moyenne, mais t'étais en train d'avancer, en train de pédaler et souffler encore une fois, etc. Et il y a de ce coup cette idée qui te traverse l'esprit. Comme si. Mais est-ce qu'au final, hein, tu faisais le bon choix en continuant dans cette ruelle, au mieux de vérifier que tout va bien dans le tram? Et il y a une pensée qui te vient. Cette pensée, c'est que le tram ne peut pas s'arrêter. Et que s'il ne s'arrête pas, il finira forcément quelque part. Mais comment est-ce qu'il peut pas s'arrêter, le tram ? Je donne les faits. Esther, que fais-tu ? Ok. Du coup, on ne dégorge pas du tout le contrôle de moi-même, visiblement. Ce sont tes pensées. Uniquement. Tu as contrôle de toi. Tu peux continuer d'avancer si tu veux. Mais tu as ça qui vient d'arriver en tête. D'accord. La donc, en gros... Ok, donc en fait, ok. Dis-moi. Ouais, je me fais un peu les réflexions en accéléré dans ma tête. J'imagine que ça se passe en moins d'une microseconde, mais en réalité, il y a beaucoup de trucs qui se bousculent. En gros, ce que j'ai l'impression, donc, c'est d'avoir un choix assez cornélien à faire, c'est que si jamais je poursuis le procedimento, peut-être que tous mes amis et collègues vont mourir dans ce tram, puisqu'il va sans doute s'effondrer sur un mur ou... Ouais. Ou je ne sais quoi, il a peut-être même été saboté, qui sait. Est-ce qu'il y a des gens autour ? Pardon ? Oui, non, c'est effectivement ça en termes de, okay. de résumé de la situation. Est-ce qu'il y a d'autres gens autour ? Et là, actuellement, il n'y a pas grand monde. Ok. Je regarde devant moi, je vois du coup la silhouette de El Procedimento allongé par terre, c'est ça ? Non, même pas. Il faut que, faudrait que tu avances. Ouais, il est vraiment dans la pénombre de la ruelle. Mais... Ouais. Dis-moi ce que tu fais. Sincèrement, je pense que je vais devoir le faire en jet de dé. Hein. C'est trop dur comme choix. Genre, parce que du coup, si jamais je te demanderai de le faire sans jet de dé. Ok. D'accord. Sachant que plus tu réfléchis, peut-être plus le tram part. Ouais. Si j'ai surpasse. Bon, il le voit pas, c'est dommage. C'est horrible comme choix. 10, 9, 8, 7, 6, 5. 4, 3, 2, allez, fuck it, je fonce dans la ruelle. Oh. Je peux juste pas aller les sauver en dire ouais, je l'ai laissé passer, je vais voir si vous alliez bien. Même si sur tu le coup, genre tu fonces dans la ruelle. Même s'il y a peu de chances que ça arrive, c'est la pire situation possible. Donc il faut que je fonce dedans. Sachant que je considère comme RP le temps d'hésitation. Ouais, bien sûr, normal. Tu fonces dans la ruelle. Tu t'enfonces dedans. Et quand tu arrives, tu d'abord ne remarques pas de traces d'il procedimento. Mais tu es sûr que... une chose, c'est qu'il a effectivement été là, hein, c'est pas une hallucination, puisque en t'y attardant, parce que je suppose qu'effectivement, quand tu le vois pas immédiatement, tu vas pas dire bon, il est pas là et partir. Ouais, il y a même un autre truc que j'aimerais bien faire, si possible. Oui, c'est laisser tomber mon manteau assez rapidement en arrière pour laisser à découvert mon bras mécanique. et récupérer la petite lame qui se trouve bloquée dans le mécanisme. Et du coup, en fait, je me balade avec une espèce de, d'arme blanche. C'est très nul, hein. C'est à peine la taille d'un couteau. Hein. Mais, oui, mais ça permet de se voilà. protéger. Donc, tu vois, je mets mon bras dedans, j'active le mécanisme et je ressors l'espèce de petite lame. Voilà. Et du coup, je me balade, enfin, je regarde à droite, à gauche aussi, je vois des choses. En haut aussi, peut-être, au cas où. Mais je pense pas qu'il ait la force de l'arme. Comme je disais, tu trouves effectivement des traces de sang. Et tu peux essayer de les suivre. Bon, effectivement, il semble avoir été touché plusieurs fois. Je vais les suivre. Et je vais également préparer une fusée de détresse si jamais tu me l'accordes. Si jamais tu me l'accordes pas, je pourrais comprendre. Tu avances. Et tu suis les traces dans quelques minutes. Tu suis les traces et en fait... tu remarques qu'elles disparaissent un niveau. Ce niveau, c'est un orphelinat. Et elle s'arrête pas genre directement devant, mais elle s'arrête à quelques pas de l'orphelinat. Et il n'y a rien d'autre aux alentours, si ce n'est des maisons fermées, ce genre de choses. C'est totalement vide. Je vais donc terminer la session sur... votre fin de journée a été mouvementée. Esther, tu vas pas bien sûr t'arrêter devant cet orphelinat, c'est là que j'arrête la session, mais c'est pas là que s'arrête l'univers. Tu vas quand même continuer de fouiller, parce que tu es parti dans l'idée de le chercher. Je pense même que je vais commencer à pousser des hurlements si jamais vraiment je le trouve pas, hein, quitte à tirer ma fusée de détresse, parce que dans ma tête, j'ai quasiment laissé mes amis peut-être mourir pour pouvoir le suivre, et là je le trouve pas, donc c'est horrible. Je valide totalement ce que tu viens de dire. Je rajoute même que tu pourras essayer de toquer l'orphelinat et on t'y accueillera en fait à bras ouverts. C'est la dame qui le gère et personne semble s'inquiéter de quoi que ce soit. Elle sera dans une ambiance beaucoup trop calme. Pour les trois autres qui sont à l'intérieur, les quatre en comptant Clint, hein, votre vue va revenir au bout de 2 heures. La brume ne partira pas de la journée. Par contre, votre âme, elle s'arrêtera bel et bien au niveau où elle devait s'arrêter à la base. Chose étonnante puisque simplement la plaquette de frein, enfin la poignée qui sert à freiner, a fonctionné quand il fallait. Malgré tout, ça n'a pas été dans un grand honneur, dans une grande chance, puisque les gens ont découvert un Clint blanc comme jamais, tétanisé. Ils ont découvert deux métropolites ensanglantés, et l'un ayant, dont la seule chose qu'ils savent, c'est qu'il a l'air d'avoir perdu une bonne partie de sa vue. Vous avez donc une fin de journée compliquée. On s'est occupé de vous, Esther. Après peut-être des heures à t'attacher à ton idée de retrouver le procédimento, parce que tu le sais. Ouais, t'as réussi à lui tirer dessus. Hein, je pense que j'ai menacé les gens de l'orphelinat avec ma lame. Hein. On rentrera dans les détails ultérieurement. Mais tu as eu beaucoup de problèmes. Encore une fois, je rentrerai dans les détails plus tard, parce que ça sera très intéressant à explorer. Mais après des heures et des heures à ne pas t'accrocher, tu as dû t'y faire, hein, d'avoir perdu sa trace, alors qu'encore une fois, tu es sûr de l'avoir touché. Certes, pas vitalement, mais tu l'as touché. Alors, est-ce qu'il avait des complices? Tu t'es imaginé tous les scénarios possibles. Hein. Est-ce qu'il avait des complices? Est-ce que tu es tombé dans une feinte qui était effectivement peut-être caché dans l'orphelinat. En tout cas, tu... continue de... Enfin, tu vas finir par remonter à la haute ville, hein, et tu seras soulagé d'apprendre que tes amis s'en sont tirés vivants, mais dans des états très graves, puisqu'encore une fois, deux d'entre eux sont très ensanglantés, etc. Et ils ont été pris en charge. Et c'est sur ces dernières notes, sur la fin de cette journée mouvementée où aucun d'entre vous s'est vraiment retrouvé, puisque les trois en fait sont pris en charge, puisque la perte de vue de Kornilov n'est pas considérée comme quelque chose d'anodin. Tu vas rentrer seul au QG et on va se laisser là pour terminer Duelum et mettre fin à cette première geste des crimes.